L'appel nominal, Tony Di Martino, présent. Cédric Pape, présent. Elham Chahir, Édouard De Noël, présent. Émilie Trigo arrive, Vincent Doucissé arrive, John Jibiro, présent. Issa Nounissi, et Yasmina Sadoud a donné pouvoir à Choki Haddad. Choki Haddad arrive, Edith Félix est en retard, Brahim Akour, Merlane Georges a donné pouvoir à Cédric Pape, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bi a donné pouvoir à John Jibiro, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy a donné pouvoir à Édouard de Noël, Frédéric Gabin, Mariam Diop arrive, Kaline Tribi qui a donné pouvoir à Amy Trigo qui arrive, Ami Chahir a donné pouvoir à Jean-Claude Oliva, Mamadou Silla, Manon Chrétien, Zora Kelly, Mona Bellil arrive, Jules Ragonneau, Sébastien Gricourt m'a donné pouvoir, Mohamed Jenan a donné pouvoir à Solène Le Bourris, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamais a donné pouvoir à Angine Desbordes-Silly, Angine Desbordes-Silly, Claire Laurence a donné pouvoir à Sébastien Stalens et Solène Le Bourris. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Zora Kelly, qui vient de brillamment se qualifier pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, et que je vais applaudir. Voilà. Donc, je vous propose de désigner Zora Kelly comme secrétaire de séance. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Nous n'avons pas eu de demande d'intervention. Donc, je passe à l'examen de l'ordre du jour. Nous aurons un amendement sur le budget déposé par Ensemble pour Bagnolet. Sur le procès verbal du conseil municipal du 7 mars 24, est-ce que vous avez des observations ? Monsieur Vianney, Madame Le Bourris. Non, c'est juste une précision, page 32. Il est écrit « Le conseil municipal décide à l'unanimité d'approuver le rapport d'orientation budgétaire ». D'approuver la présentation du rapport, effectivement. Donc voilà, c'est merci de faire le complément. Solène Le Bourris. Oui, petite question, est-ce qu'il y avait bien le quorum lors de la présentation de notre vœu au précédent conseil ? Pour moi, oui. Vous avez le quorum ? Oui. Oui, oui. Donc, je vous propose d'approuver ce PV avec la remarque qui vient d'être évoquée, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Nous avons ensuite l'examen du compte de gestion qui retrace le travail du comptable public sur le suivi des comptes de la ville. Il y a longtemps, le comptable venait en conseil municipal présenter le résultat de son travail. Est-ce que ça appelle des remarques, ce compte de gestion ? Ça n'appelle pas de remarques. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vais céder à présent la parole et la présidence de séance à Cédric Pape, que je vous propose de désigner pour présenter le compte administratif de l'an dernier, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc, Cédric Pape, je te cède. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers collègues, en tant que premier adjoint au maire, il m'appartient de vous présenter le compte administratif de l'année passée. Comme vous le savez, le compte administratif retrace l'ensemble des mouvements, des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la collectivité sur une année. Sa présentation devant le conseil municipal doit se faire dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice. Sur la forme, vous avez pu le constater, le dossier qui vous a été communiqué reprend la même présentation que le budget. Cela vous permettra, dans votre travail, de vous faciliter la lecture et de vous permettre d'éventuelles comparaisons. La municipalité accorde de l'importance à cette transparence. Sur le bilan financier de l'ordonnateur, celui-ci a pour fonction de vous permettre un contrôle de sa gestion de la commune, de vous permettre dans quelle mesure les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles qui ont été réalisées. Son examen constitue un acte majeur de la vie communale. Le compte administratif constitue également une présentation des résultats comptables de l'exercice. Il est généralement excédentaire en fonctionnement, ce qui permet d'abonder la section d'investissement qui présente par nature un besoin de financement. Ces quelques précisions de forme étant faites, je vais maintenant rentrer davantage dans le fond du compte administratif 2023. Comme le veut la réglementation, le compte administratif 2023 et le compte de gestion 2023 établi par le compte public de Montreuil sont bien en parfaite concordance. Le budget global 2023, en fonctionnement et en investissement, s'établit à près de 129 millions d'euros, avec un taux d'exécution de 86% en dépenses et de 91% en recettes. L'excédent 2023 de la section de fonctionnement d'un montant de 6,2 millions d'euros amène à un résultat excédentaire cumulé de 12,7 millions d'euros. Le résultat déficitaire de la section d'investissement se monte en 2023 à 1,7 million d'euros, soit un résultat cumulé déficitaire de 6,6 millions d'euros. Ainsi, l'année 2023 se termine donc avec un solde positif à hauteur de 6 millions d'euros. À noter par ailleurs, les restes à réaliser au 31 décembre 2023 en section d'investissement s'élèvent à 4,5 millions d'euros en recettes et à 4 millions d'euros en dépenses. Ils s'expliquent notamment par des engagements réalisés en fin d'exercice budgétaire, notamment certains relatifs à la modernisation du service public communal et de son administration, dont la mise en œuvre est prévue en cours d'année 2024. Je présume que vous aurez l'occasion de revenir lors du débat sur le niveau de réalisation que laisse apparaître le compte administratif. Je rappelle donc ces données. 86,49% en dépenses et 91,21% en recettes. Rentrons donc, si vous le voulez bien, un peu plus dans ce détail. En fonctionnement, ils sont de 90% en dépenses et 102% en recettes. En investissement, ils sont de 78% en dépenses et de 56% en recettes. J'y vois trois explications majeures. Premièrement, nous avons des efforts à faire en investissement pour consolider nos capacités de prévision et rendre notre programmation pluriannuelle plus fiable. Nous en avons conscience et nous allons nous y atteler. Seconde raison, le faible niveau de réalisation des recettes d'investissement s'explique notamment par l'évolution du calendrier de la reconstruction de l'équipement public Pêche d'Or, qui a conduit à considérer stratégique de différer la levée des financements dédiés à cette opération. Ainsi, en 2024, le taux de réalisation des financements relatifs à cette opération sera excédentaire. Raison numéro 3. Ce faible taux de réalisation s'explique aussi par une série de financements obtenus il y a plusieurs années au titre de la dotation politique de la ville, mais dont les dossiers n'ont jamais été soldés. Cela a conduit l'administration à entreprendre un travail de recherche afin de consolider les demandes de soldes et ainsi venir clôturer ces dossiers en souffrance. Voilà pour les trois raisons. Je vous propose de ne pas rentrer dans un inventaire à la Prévert des différentes typologies de dépenses. Je m'attarderai cependant quelques instants sur les dépenses de personnel, qui augmentent de 3,43% entre l'exercice 2022 et l'exercice 2023, pour se stabiliser aux alentours de 45,2 millions d'euros. L'augmentation de ces dépenses n'est que le reflet de mesures mécaniques du glissement vieillesse-technicité, ainsi que la revalorisation des agents publics, que nous appelions ici toutes et tous de nos voeux. Le défi, eh bien, Monsieur le maire y reviendra probablement en présentant le budget primitif 2024, de stabiliser ses dépenses. Quelques mots enfin sur l'investissement avant de laisser la place à la discussion. Les investissements de l'exercice ont été principalement financés grâce à des dotations à hauteur de 5,2 millions d'euros et à des subventions à hauteur de 2 millions d'euros et à un emprunt de 6 millions d'euros. Sur l'emprunt, il pourra être dit que c'est toujours trop. Peut-être. Mais il n'en demeure pas moins que c'est moins que l'autorisation d'emprunt votée par ce même conseil en 2023, Je vous le rappelle, il était de 10 millions d'euros. Il n'en demeure pas moins non plus que depuis 2014, c'est bien un des emprunts levés les plus bas que nous ayons levés. Le maire vous proposera à son retour pour le budget 2024 d'encore diminuer l'autorisation d'emprunt. Voilà pour mon intervention. Je vous propose maintenant le débat. Qui souhaite prendre la parole ? Edith. Bonjour, merci Cédric. Je suis destinée à intervenir sur cette délibération relative aux finances, puisqu'en effet, au dernier conseil municipal, monsieur le maire a déclaré solennellement me confier la délégation aux finances. Le lendemain, l'arrêté pris ne correspond pas. Il vise surtout à me retirer mes délégations précédentes et à me donner des sous-délégations sans signature que j'ai refusées immédiatement. Dans cet épisode, j'ai reçu de nombreuses marques de soutien de bagnoletaises et de bagnoletais, beaucoup de femmes. Je les remercie toutes et tous chaleureusement pour leur attention à ce qui est juste et à ce qui contribue à la bonne marche de la ville. Je me sens suivie et entourée, renforcée dans ma détermination et ma sérénité à travailler pour l'avenir. Le budget est notamment une question d'importance pour Bagnolet, car il détermine fondamentalement les marges de manœuvre de notre action publique. Alors, le budget présenté ce soir pour 2024 permet de continuer encore un an. Il prévoit de contenir les dépenses de personnel au niveau actuel. Les économies de fonctionnement sont reversées en investissement. Mais il faut un nouvel emprunt de 5 millions d'euros pour équilibrer le budget. La dette continue d'augmenter. Les perspectives de remboursement des emprunts in fine à l'horizon 2030 restent des hypothèses. Un gros effort reste à faire pour préciser les actions à mener pour assainir la situation et assurer l'avenir de la ville. Il nous faudra pour 2025 un excellent programme budgétaire, plus précis, un programme qui adresse non seulement le court terme, mais la vision d'un pilotage, d'une planification jusqu'au long terme, un programme enfin qui permette de rassurer. Évidemment, un travail sur le budget doit se faire en correspondance avec un travail sur le programme politique, sur les attentes envers le service public communal. Cela concerne les investissements d'une part, mais aussi l'efficacité des charges de fonctionnement, notamment les charges de personnel. Quelles charges de fonctionnement pour quel service public ? Dès l'élaboration du programme de cette majorité, nous le savions, ce travail sur le budget et sur le personnel est la pierre d'angle de ce mandat. L'année 2025 sera décisive pour élaborer un plan de vision financière et évaluer s'il est satisfaisant ou non. Je ne crois pas à l'arrivée magique de solutions. Je crois en l'intelligence collective. Nous avons donc demandé la mise en place d'un travail transverse, récurrent, entre les élus de la majorité et l'administration. Ce travail, puisqu'il concerne la qualité des services publics, il faut qu'il associe aussi les agents qui ont une expertise du terrain et des opérations et les usagers qui ont une expertise d'usage. Au sein de la majorité municipale, nous avons, en tant qu'élus, un rôle à jouer dans l'animation de ce débat que nous devons avoir avec les citoyennes et les citoyens. Comme je le dis, l'année qui vient sera déterminante. Vous avez terminé ? Madame Félix, c'est bon ? D'accord. Bon, juste en quelques mots, parce que vous aimez bien la transparence, et autant donner toute l'information au conseil municipal et à ceux qui nous regardent, il est dommage et un peu incohérent de prendre la parole et de commenter cette délibération, alors que hier, sur la proposition de Monsieur le maire, Monsieur le maire vous a demandé de présenter ce que j'ai présenté tout à l'heure, que vous auriez pu faire, et vous n'avez pas voulu le faire. Donc c'est un peu incohérent de ne pas vouloir le présenter et de prendre la parole. Voilà. Maintenant, je vois que cette délégation vous passionne, puisque vous avez plein de préconisations à faire, et j'y vois là un signe positif de votre part de plonger à fond dans cette délégation. Merci, Monsieur Pape. Je crois que vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit que j'avais refusé les délégations, que je demande à Monsieur le maire de prendre un arrêté pour me retirer les délégations au suivi budgétaire, au désendettement, aux impôts directs et à l'évaluation des charges transférées. En fait, je vous écoute très bien, Madame Félix. Et je précisais donc à ceux qui nous écoutent, et je vais le redire, qu'effectivement, il est incohérent de votre part de ne pas présenter cette délibération que vous auriez pu faire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Madame Si, déborde Si. Bon, je vais revenir au compte administratif, puisqu'il était question du compte administratif. C'est pas facile de faire l'analyse d'un compte administratif, c'est un exercice un peu abrupt. Mais bon, il faut le faire parce qu'on n'est pas, on peut pas comprendre l'état des finances locales si on se prête pas, on se livre pas à l'exercice. Et comprendre l'état des finances locales dans la ville de Bagnolet, c'est absolument nécessaire, et pas que pour nous, pour l'ensemble des habitantes, des habitants. Alors, en guise d'introduction, je voudrais quand même redire ce que j'ai eu l'occasion de dire lors du rapport d'orientation budgétaire au mois de mars. Les notes d'information, vous savez, les notes explicatives qui précèdent la présentation du compte administratif ou du budget primitif, sont très, très épurées, pour dire les choses de façon un petit peu fémisante. C'est très léger, donc c'est très récent. Par le passé, c'était un peu plus étoffé, et c'est quand même une aide à la compréhension des documents. Bon, vous allez me dire, vous respectez les obligations légales, absolument. Il manque pas des... On ne peut pas vous reprocher d'avoir supprimé des éléments d'explication, mais il n'y a pas beaucoup d'éléments de compréhension supplémentaires. Bon, je ne m'y appesantis pas parce que j'ai longuement évoqué ce point lors du dernier conseil municipal du mois de mars. Alors, le compte administratif, c'est, pour celles et ceux qui nous écoutent, regardent, c'est le bilan des opérations budgétaires qui ont été exécutées l'année dernière, en 2023. Qui prend compte toutes les dépenses qui ont été réalisées au cours de l'année, y compris, vous en avez parlé, Cédric Pape, celles qui ont été engagées, mais non mandatées, hein, les fameux restes à réaliser, les rares, dans le jargon des budgets locaux. On verra tout à l'heure, ce sera présenté par M. le maire, le budget primitif 2024, qui, lui, est un budget prévisionnel et qui va permettre, qui devra être adopté pour permettre d'autoriser des dépenses pour l'exercice 2024 qui a commencé le 1er janvier. Alors, sur l'exécution, sur le compte administratif 2023 et sur l'exécution du budget 2023, je vais être assez rapide. Je voudrais simplement relever trois éléments, revenir sur trois éléments. D'abord, le montant des dépenses de fonctionnement. Ensuite, le montant des dépenses d'investissement. Et puis, bien entendu, la dette. Alors, sur les dépenses de fonctionnement, vous l'avez rappelé, elles se sont élevées en 2023 à 88 millions d'euros, en augmentation de 8% par rapport à 2022 et de peu près 5% par rapport à 2020 quand vous êtes arrivé aux responsabilités. Elles n'ont jamais été aussi élevées, hein, c'est la première année qu'elles atteignent une telle somme, même si effectivement on peut juger, estimer qu'elles sont relativement contenues. Je n'utiliserai pas le terme de maîtriser, mais disons qu'elles sont contenues. Alors, ça correspond à quoi ces 88 millions d'euros? Bon, c'est les charges à caractère général, et c'est les dépenses de personnel qui augmentent très, très légèrement, effectivement, par rapport à l'année dernière. Ça représente 45 millions d'euros. Et puis, ça, je ne suis pas certaine que vous en ayez parlé, c'est aussi les intérêts de la dette qui, eux, augmentent de 15% par rapport à l'année dernière. Alors qu'elles avaient, de mémoire, diminué, il y a deux ans, en 2022, grâce à un refinancement de la dette qui avait été réalisé par Olivier Tarabella avant sa démission. Alors, sur les dépenses d'investissement, elles sont bien inférieures à ce qui avait été prévu au budget primitif 2023, puisqu'on arrive à un taux de réalisation d'exécution de 18 millions d'euros. alors qu'il me semble, j'ai plus le BP 2023 sous les yeux, mais que c'était bien supérieur à ça. Et d'ailleurs, ça m'évoque ce qu'avait dit également 29, merci. Ce qu'avait dit juste avant sa démission Olivier Tarabella, qui avait qualifié le BP de budget primitif 2023 de artificiellement équilibré avec des recettes incertaines. Enfin, je ne paraphrase pas, mais en tout cas, peut-être ce n'était pas exactement les mots prononcés, mais enfin, l'idée y est. Bon. Ce qui est un vrai sujet, je pense qu'il faudra en débattre. En tout cas, moi, j'attends des réponses là-dessus. Peut-être reprendre ce que vous avez évoqué et détailler, parce que c'est quand même c'est 9 millions, 10 millions de différences, ce qui n'est pas rien sur l'équilibre d'un budget prévisionnel. Sur ces 18 millions de dépenses d'investissement, on a là aussi, il est important de le relever, on a 6 millions, un petit peu plus de 6 millions, 6 millions 3 qui correspondent à des dépenses d'équipement, hein, l'investissement sur les infrastructures, enfin plus exactement ici, c'est de l'investissement courant, hein, à part pêche d'or, il n'y a pas beaucoup d'équipements structurants. Et puis, quand même, il y a eu plus de 8 millions d'euros, 8 millions 200 000 euros qui correspondent à des remboursements d'emprunt. Donc, en clair, c'est on rembourse la dette. Donc, vous voyez, et puis, je crois, 2 millions de remboursements de trop perçus de taxes d'aménagement qu'on se traîne depuis 2 ans. Donc, vous voyez que sur ces 18 millions d'euros, qui sont déjà pas énormes, eu égard au budget total de la ville, on n'a que 6 millions pour les vraies dépenses d'équipement, et le reste, c'est le financement de la dette. Voilà, donc c'est évidemment une spécificité, je vais y revenir hein, sur la question de la dette. Donc 10 millions de dépenses financières et 6 millions de dépenses d'équipement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de la moitié des investissements réalisés dans cette ville sont consacrés au remboursement de la dette, dette que vous avez contractée, que vous contractez tous les ans et que vous vous apprêtez, on le verra dans le BP 2024, à contracter pour l'année prochaine. Alors, la dette, sans surprise, elle est toujours évidemment très au-dessus des seuils d'alerte, avec une capacité de désendettement de la ville supérieure à 13 ans. Au 31 décembre, l'encours de la dette. Alors, l'encours de la dette, c'est le capital restant dû par la ville. Il diminue légèrement, mais il est toujours supérieur à 145 millions d'euros. Je crois qu'il est de 147 millions d'euros après avoir été l'année dernière, après avoir flirté avec les 150 millions d'euros. Donc, vous allez me rétorquer que ça diminue, mais enfin, ça diminue évidemment pas suffisamment, puisqu'on a un taux d'endettement de la ville qui reste mécaniquement très élevé à 172%. Alors, si je tente de faire une synthèse de ce compte administratif, de dégager les grandes tendances sur l'exercice écoulé qui vont évidemment déterminer ce qui est prévu sur l'exercice 2024, quelques éléments. Alors, évidemment, une situation financière qui reste très préoccupante, un montant de dette qui supposerait de prendre des mesures d'assainissement financier importantes, ça on va en parler tout à l'heure, je suppose, et une trajectoire, mais plus qu'une trajectoire, une volonté de désendettement claire, et que vous ne semblez pas avoir, ou alors vos intentions sont pour le moins obscures. Bon. Alors, l'épargne brute dégagée, c'est l'autofinancement, mais ne permet pas de garantir un niveau d'investissement suffisant, malgré quand même, je n'ai pas du tout parlé des recettes, mais malgré une augmentation des recettes de la fiscalité, qui est lui à une réévaluation des bases, hein, c'est pas, il n'y avait pas eu d'augmentation des taux de taxes foncières l'année dernière, et une augmentation des produits des services, ça tous les parents d'élèves ici présents, ou une bonne partie, l'ont constaté. Alors ça signifie que le niveau d'investissement il est maintenu artificiellement grâce à l'emprunt, et que le niveau d'investissement est trop faible pour une ville comme Bagnolet. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé, la note d'information est très allégée, mais quel est le taux d'exécution du plan pluriannuel d'investissement dont je rappelle qu'il avait été, en début de mandature, annoncé à 118 millions d'euros. Bon, aujourd'hui, quelle est la part des investissements prévus sur ce PPI qui ont été réalisés? L'élément suivant, c'est qu'on a besoin de contenir les dépenses de fonctionnement pour établir un autofinancement qui permettra d'investir dans la transition écologique énergétique, mais qui permet aussi, l'investissement, ça sert à garantir aux habitants, aux bagnoletais, actuels et futurs, un cadre de vie agréable, apaisé et à la hauteur de leurs attentes. Alors, il y a plein de mesures qui peuvent être mises en œuvre. Hein, on en parlera lors du BP, je suppose. Réduire la consommation énergétique des bâtiments publics énergivores, puisque sur le BP, les charges de fonctionnement, c'est, et je crois que ça avait été évoqué le mois dernier dans le plan de... Dans le bilan carbone de la ville, c'est les frais du réseau de chaleur pour les bâtiments publics. Donc évidemment, là, il y a une marge, probablement des choses à faire. Et puis, contenir les dépenses de fonctionnement, ce n'est pas incompatible avec un niveau de service public élevé. Mais ça suppose, je crois que je l'ai déjà évoqué lors d'une autre séance du Conseil municipal, des arbitrages partager des arbitrages financiers qui soient co-construits, comme le disait Edith Félix tout à l'heure, avec l'ensemble des usagers, des agents, des administrés, des élus, et qui nécessitent peut-être aussi de remettre en place des budgets participatifs. Il va falloir faire des économies de fonctionnement, mais ces économies de fonctionnement, elles doivent être décidées ensemble, collégialement, collectivement, et pas seulement par l'administration ou par les élus, qui sont en charge de ces questions. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Desbordes-Silly. Juste quelques mots, parce que, en fait, on est là pour approuver ce compte administratif. Ce n'est pas forcément un lieu de débat. Je rappelle que la délibération, c'est de constater la stricte concordance entre le compte administratif 2023 et le compte de gestion 2023 et la sincérité. Mais ça n'empêche pas que dans le débat, on peut soulever des questions. Je resituais juste le contexte. Maintenant, vous disiez que les documents qu'on vous a fournis vous permettaient de mieux comprendre la situation. J'en suis très content. C'était le but recherché, effectivement. Moi, en 10 ans d'expérience d'élu, je l'ai dit déjà la dernière fois au précédent conseil municipal, c'est la première fois qu'on a un tel document explicatif et clair, qui n'est pas léger, comme vous le laissez sous-entendre, hein, parce que les personnes qui nous écoutent peuvent penser que ça fait 2 pages ou 2 slides. Il fait quand même 18 pages. Et c'est effectivement 18 pages qui sont quand même assez lourdes. Vous parlez de quoi, pardon ? Vous parlez du document qui est la synthèse qui permet de mieux comprendre... Du CA ? Oui. Donc, il y a une vraie... En tout cas, ce que je veux vous dire, et vous l'avez à demi-mot dit, mais ça mérite d'être complété par moi, c'est qu'il y a une véritable volonté de simplifier ces chiffres qui sont parfois un peu bruts de décoffrage, si vous me permettez l'expression, dans un souci de les comparer aussi, si on garde le même format, d'année en année. Et je pense que ça, c'est un véritable plus dans cette majorité municipale. Maintenant, vous parlez de la dette. Bon, c'est un débat qui anime la majorité municipale, hein, et qui, effectivement, nourrit aussi le conseil municipal avec son opposition. On pourra en parler longtemps, et je pense que le mieux, c'est d'en parler au budget. Mais, encore une fois, je pense que vous ne l'avez pas fait exprès, mais ce débat-là sur la dette, on l'a déjà eu, notamment avec Philippe Renaudin. Je sais bien, c'est pour ça que je me permets de le dire. Enfin, vous ne pouvez pas m'empêcher de le dire, Madame Desbordes-Silly, mais en fait, votre discours, et je vous invite à aller regarder les derniers conseils municipaux de l'ancienne mandature, votre discours ressemble beaucoup à celui de Philippe Renaudin. C'est-à-dire qu'en fait, il se permet de savoir qui est Philippe Renaudin. Je ne sais pas qui est Philippe Renaudin. Monsieur, vous savez très bien. Non, je ne sais pas qui est Philippe Renaudin. Bah, c'était le candidat qui représentait le parti politique d'Emmanuel Macron. Ah, nous y voilà. OK. Bah, vous avez participé à la campagne municipale, Madame Desportes. Bah, sincèrement, vous m'épatez si vous ne le connaissez pas. Mais je crois ne que... me souviens pas de Philippe Renaudin. Pardonnez-moi. Bon. Alors, en fait, à l'époque... c'est intéressant de le redire. Il y avait déjà ce débat sur la dette. Et effectivement, je me souviens très bien, d'ailleurs, à l'époque, Olivier Tarabella lui dire, puisque vous citiez Olivier Tarabella tout à l'heure, lui dire, bah oui, mais dans ce cas-là, on peut désendetter la ville de suite. Hein. Pas de souci. Mais alors, que fait-on de l'ANRU ? Voilà. Donc, effectivement, cette majorité municipale, alors là, pour que les choses soient très claires, a décidé d'abonder dès 2014 l'ANRU et le NPNRU ensuite, pour effectivement, et ça va créer de la dette, ça, c'est certain, entre, par exemple, ce qui va se passer dans le quartier des Malassis, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure au conseil municipal, avec des nouveaux équipements publics, et je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on y reviendra, ou la requalification du quartier de Lannou. Donc oui, effectivement, à ce moment-là, nous avons une politique très socialiste, très écologiste, de très clairement casser la dalle Thorez, la reconstruire complètement, requalifier la dalle Lannou pour agir dans les quartiers populaires et surtout, le plus important, garder des services publics à ces endroits. Et je pense que, pour le coup, nous sommes complètement d'accord, vous et moi, là-dessus, ainsi que nos collègues. Je pense que personne ici, au sein de ce conseil municipal, n'est contre le NPNRU. Mais pour financer le NPNRU, oui, il faut aussi s'endetter. Est-ce que quelqu'un d'autre ? Jean-Claude. Oui, merci Cédric. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voudrais faire juste une observation, parce qu'en fait, le compte administratif, enfin, on ne va pas développer, faire de grands débats sur le compte administratif, mais c'est plutôt un constat. Moi, alors, j'ai juste un truc qui m'a frappé dans ce compte administratif, c'est justement sur la question de la dette. Hein. Je ne veux pas être spécialement alarmiste sur la dette, mais quand même, quand je vois effectivement, ce Angéline le disait, la charge des intérêts de la dette qui augmente de 15% en un an, c'est considérable. Et notamment, cela vient d'une chose, c'est qu'une partie de notre dette est liée au livret A. Et le livret A, en fait, c'est un taux variable. Et le taux du livret A, il est passé de 2,86 à 3,82% en un an. Il a pris 1%. Et vous voyez, et le livret A, en grosso modo, c'est quand même 17% de notre dette. 25, pour aller en grande masse, 25 millions d'euros sur 150 millions d'euros. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre conscience de ça. On ne peut pas dormir tranquille dans cette situation. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Non, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Et on peut rappeler ? Oui, il faut être calme. Tout va bien. Merci, Mona Bellil, de rectifier votre vote. Non, mais il n'y a pas de souci. Oui, j'ai bien saisi. Il y avait de la taquinerie, je pense, dans le conseil municipal. C'est bon, monsieur le maire, vous pouvez revenir. Donc la délibération suivante, merci Cédric. Peut-être, Solène Le Bourris voulait dire un mot tout à l'heure, j'ai un peu caviardé l'introduction, concernant Kamel Brahmi. Pardon. Kamel Brahmi, qui est secrétaire départemental de l'UD 93, donc à Bobigny, a été mis en garde à vue aujourd'hui parce qu'il participait à la mobilisation pour un plan d'urgence en Seine-Saint-Denis. Donc on y voit encore une fois des dérives, et je pèse mes mots, totalitaires, dès qu'on est sur une lutte sociale. Et là, c'est vraiment encore une fois défendre l'école publique en Seine-Saint-Denis. On met en garde à vue, en fait, nos représentants syndicaux. Bon, il a été libéré à l'instant, mais voilà, je voulais qu'au nom du comité, du conseil municipal, on apporte notre soutien à Kamel. Ben, c'est fait. Voilà. Ravi qu'il soit sorti. Donc la délibération suivante concerne l'affectation des résultats 2023. Si vous avez des observations sur l'affectation des résultats 2023, donc on va avoir maintenant le débat sur le BP. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? Pas de remarques là-dessus. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La délibération suivante concerne la fixation des taux des trois taxes. Comme on a eu l'occasion de le dire lors du ROB, nous maintenons les taux au niveau qui étaient ceux de l'an dernier. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part ? Pas de remarques ? Donc je vous propose d'approuver les taux des trois taxes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. La délibération suivante concerne donc l'examen du budget primitif pour l'exercice 2024. Le temps est venu, chers collègues, de vous présenter donc ce BP 2024. Il s'agit, pour notre conseil, comme vous le savez, de se prononcer sur une délibération majeure dans la mise en œuvre des politiques publiques municipales qui en découleront. Au-delà du budget, c'est bien un pacte majoritaire dont il s'agit, j'y reviendrai. Dans la vie politique d'un territoire, c'est un moment fort qui nécessite qu'on prenne le temps de s'y attarder, ce que je vais donc faire dans cette introduction. Les orientations que vous voyez apparaître sur vos écrans reprennent celles sur lesquelles nous avons été amenés à nous prononcer il y a quelques semaines au moment du ROB. Notre credo est clair, une ville tournée vers son avenir, au service de ses habitantes et ses habitants, en proposant des services publics de qualité. Nous avons eu l'occasion d'avoir cette discussion lors du débat d'orientation budgétaire il y a quelques semaines. Je ne doute pas un seul instant que nous aurons l'occasion d'y revenir ce soir. Comme nous avons pu le présenter lors de ce DOB, la construction du budget primitif 2024 a fait l'objet d'une lettre de cadrage donnant les modalités de mise en œuvre des orientations budgétaires. Là aussi, je vous propose de ne pas y revenir longuement dans la mesure où ces éléments ont été présentés et débattus le mois dernier. Il me semblait néanmoins important de vous les présenter à nouveau en introduction. Ils sont, me semble-t-il, le reflet du sérieux avec lequel nous avons collectivement construit le budget que nous allons vous présenter. Quelques mots en effet sur la méthode. Les élus de la majorité municipale ont relevé les manches pour travailler avec leurs équipes de l'administration afin de construire dans chaque secteur. Le budget primitif n'est pas construit ex nihilo. Des propositions budgétaires permettant à la fois de respecter le cadrage défini tout en étant porteurs d'une ambition dans chacune des délégations au service des bagnoletaises et des bagnoletais. Lors de conférences budgétaires organisées en janvier avec chacun d'entre eux, sauf Manon, n'est-ce pas, puisque les activités de sa délégation ont disparu et se concentrent beaucoup sur le TZLZ, TZLD et sur l'EBE. Je vais y arriver, c'est un peu pris ce soir. Lors de conférences budgétaires organisées en janvier avec chacun, les propositions ont pu être débattues, longuement débattues, et reprises lors des bureaux municipaux successifs. Je rappelle quand même que des particularités de cette municipalité, c'est d'avoir 3 bureaux municipaux par mois. Je ne suis pas certain que dans toutes les villes, on ait 3 bureaux municipaux par mois. Je le dis ici, je ne suis repassé derrière aucun des budgets. Le budget primitif 2024 que nous allons vous présenter maintenant est un budget construit par l'ensemble de la majorité municipale. Résultat des tonalités politiques que chaque élu a souhaité donner à sa délégation, la responsabilité est donc pleinement et entièrement collective. Je veux ici remercier les élus qui s'y sont pleinement mobilisés. J'y reviendrai par la suite, mais je tiens déjà à vous dire que je mesure parfaitement combien la situation de notre collectivité peut parfois générer de la frustration. Tant tout faire, être sur tous les fronts n'est pas possible, mais je crois que nous avons, avec ce budget, réussi à trouver un point d'équilibre entre l'ambition que nous devons de porter au service des habitants et l'attention qu'il nous faut avoir pour la maîtrise de nos dépenses, afin aussi de mieux préparer notre avenir collectif. Des remerciements aussi pour l'administration municipale, les équipes de la direction générale, de la direction des finances et plus globalement de l'ensemble des directions de la collectivité qui ont été très mobilisées par cette construction budgétaire. Dès l'étape des orientations budgétaires, nous étions en mesure de vous présenter des éléments d'équilibre et de construction budgétaire. C'est une première. Merci à l'ensemble des équipes pour leur mobilisation et leur professionnalisme. Venons-en au cœur du budget 2024. Ce budget est présenté et construit avec une grande prudence et avec toute la sincérité qui s'impose. D'emblée, disons-le, oui, le budget est équilibré. L'autofinancement qui se traduit par un important virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement et qui vient donc diminuer le besoin d'emprunt pour financer les investissements est record. Il se situe dans la maquette qui vous est présentée à plus de 11 millions d'euros. Le budget de fonctionnement pour l'année 2024 est donc proposé à hauteur de 99,6 millions d'euros, dont 11 millions de virements à la section d'investissement et 2,4 millions de transferts entre sections soit 86,2 millions d'opérations réelles pour l'année 2024. Dans le contexte économique que nous traversons, sur lequel je ne reviendrai pas ici en détail, soyons fiers de pouvoir présenter un budget qui demeure pour la collectivité un véritable outil au service des politiques publiques municipales. Quelques mots sur les charges de personnel. Elles s'établiront pour 2024 à 46,5 millions d'euros. Rappelons-nous qu'il ne s'agit pas ici de dépenses comme les autres. Il s'agit bien ici des femmes et des hommes qui font vivre au quotidien le service public. Nous savons toutes et tous que certains voudraient diminuer ces charges. Certains collègues de la majorité municipale proposent de réduire, sur la base de ce qui vous est présenté ce soir, les charges de personnel de manière arbitraire de 1% en soi, 465 000 euros. Ça n'est pas rien, 465 000 euros sur la somme qui vous est présentée, parce qu'encore faudrait-il où, comment et de quelle manière. C'est l'équivalent d'environ 15 équivalents temps plein. Disons-nous les choses clairement. Où décidons-nous de diminuer le périmètre du service public bagnoletais, le centre de santé, les centres socioculturels, le nettoyage des espaces publics, les seniors, l'entretien des écoles? Les questions sont posées. Parce que il est toujours intéressant et bien beau de dire qu'il faut diminuer les dépenses de personnel, il faut diminuer des charges de gestion courante, mais encore faut-il dire où et comment. Les incantations désincarnées, loin des réalités vécues au quotidien, n'ont aucun sens à part celui de cliver et de créer de la discorde là où, sur ces bancs, nous nous revendiquons tous et toutes de gauche. Pour autant, regardons-nous clairement, les chantiers concernant le pilotage des ressources humaines de la collectivité sont nombreux. La direction générale, nouvellement nommée, les a d'ores et déjà pris à bras-le-corps. Déjà, le défi que nous nous proposons de relever ensemble est bien plus complexe que la simplicité qui pourrait transparaître de prime abord. Ce défi est de rester à périmètre constant du service public, tout en maintenant les charges de personnel dans une épure similaire à celle de l'année passée. En effet, la hausse mécanique des charges salariales, le fameux GVT, l'augmentation du point d'indice sont autant d'augmentations qui obligent à faire tout autant avec moins, comme l'ensemble des mesures vous le rappelle sur cette diapositive. Maintenir à un niveau égal ces charges de personnel, c'est déjà faire des choix. Faire le choix de prioriser le contact avec le public, les missions des services publics essentiels, faire le choix d'avoir une gestion dynamique et rigoureuse des ressources humaines. Quelques mots encore avant de conclure sur le fonctionnement. Le budget qui vous est aujourd'hui présenté comporte certes un effort certes modeste, mais à noter dans le contexte actuel sur les subventions aux associations qui augmentent. Certains voudraient les supprimer, les diminuer, elles augmentent. Et un maintien des interventions à périmètre constant au Centre communal d'action sociale et à la Caisse des écoles. Un budget, ce sont aussi des recettes, évidemment. Quelques mots sur les recettes de fonctionnement. Une nouvelle fois, un principe nous guide, la prudence. Dans la maquette qui vous est proposée, uniquement les recettes que nous sommes certains de percevoir. Ce ne fut pas toujours le cas ici. Il n'est pas question, comme ce fut le cas par le passé, de faire prendre à notre collectivité un quelconque risque. Ainsi, par exemple, le produit de la taxe de séjour, dont il a été question en commission, est évalué à l'identique de ce qui a été perçu l'an dernier, sans prendre en compte une éventuelle augmentation liée aux Jeux olympiques et paralympiques. Nous aurons donc, dans une prochaine décision budgétaire modificative, l'occasion de les ajuster. Globalement, ce n'est une surprise pour personne, tant nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Nous ne touchons pas au parc communal de la fiscalité. Par ailleurs, nous ferons également preuve d'un important dynamisme pour faire pleuvoir la thune sur Bagnolet, comme on disait, pour reprendre les termes d'une ancienne collègue qui a siéger de manière fugace dans ce conseil municipal, chaque action menée fera l'objet d'une recherche systématique de financement extérieur. D'ores et déjà, nous obtenons des subventions au titre du Fonds vert, nous obtenons des subventions au titre de la DPV. Regardons maintenant ensemble la partie investissement de la maquette budgétaire 24. La section d'investissement se chiffre, comme j'ai pu l'indiquer, à 34,3 millions d'euros. Auquel il faut ajouter 4 millions d'euros correspondant au report des crédits 23 qui ont été engagés mais non mandatés, soit un budget total d'investissement en 2024 de 38,3 millions d'euros. Cela a été présenté dès l'étape des orientations budgétaires. Les investissements de la collectivité se structurent autour d'une programmation pluriannuelle dont vous trouverez affichées les dépenses pour l'exercice de cette année. Je vous propose d'en faire une présentation par grande politique publique. Je ne doute pas que nous aurons dans le débat l'occasion d'y revenir dans le détail. Nous conservons au cœur de notre engagement le vivre ensemble et les solidarités. Plus de 700 000 euros seront cette année encore mobilisés pour continuer les rénovations dans le bâti de nos écoles. Les investissements de modernisation de la cuisine centrale outil municipal public pour une restauration de qualité seront reconduits. La reconstruction d'équipements publics Pêche d'Or comprenant une nouvelle école, un centre de loisirs, une crèche est bien entamée et va se poursuivre pour une livraison à la rentrée 2025. L'engagement en faveur d'un accueil de qualité au centre municipal de santé dans les équipements petite enfance se poursuit également. Nous continuons aussi à mobiliser d'importants moyens dans le cadre de la politique sportive, associative et culturelle de la ville. 400 000 euros sont investis en 2024 dans les centres de vacances communaux. 400 000 euros sont également, dès cette année, prévus dans le cadre de la construction en co-maîtrise d'ouvrage avec le PTS Ensemble du dojo municipal des Malassis dans le cadre du NPNRU avec en parallèle la reconstruction de la piscine, puisque nous avons eu l'occasion à Est Ensemble de désigner le groupement lauréat pour mener à bien ce projet. Des travaux sont également prévus dans plusieurs gymnases, dont des études pour le gymnase Baquet, afin de préparer ces interventions nécessaires sur le patrimoine sportif. L'achat de matériel d'entretien est également engagé pour faire monter en qualité l'accueil des utilisateurs de nos différents équipements sportifs. Enfin, ce n'est pas conclusif, nous lançons bien cette année les études sur le site du parc des sports de la briqueterie dans le cadre de l'opération de reconstruction du collège travail et de la construction d'un nouveau stade sportif tant attendu notamment par les élèves et par les rugbyman. Nos échanges avec le département sont constants et de qualité. La ville n'est pas en retard. Préparer l'avenir, c'est aussi investir dans les infrastructures du territoire. Nous continuons ainsi à végétaliser les cours d'école pour 350 000 euros. 225 000 euros seront investis dans la rénovation et la création des parcs et squares municipaux avec des interventions en décision budgétaire modificative sur le parc Audin et sur le square Schnarrbach. 250 000 euros le seront afin de poursuivre le passage en LED du réseau d'éclairage public et aussi diminuer les consommations énergétiques qui, chacun le sait, constituent aujourd'hui un enjeu particulier. Et vous avez raison là-dessus, Madame Desbordes-Sylly. Près de 650 000 euros seront mobilisés pour les aménagements de voiries, incluant une réflexion partagée avec la ville de Montreuil sur la rue des Rigondes, somme à laquelle il faut ajouter ce que nous appelons communément le bail voirie et qui correspond aux réflexions courantes que nous allons amplifier. Près de 200 000 euros seront consacrés à l'acquisition d'une nouvelle laveuse pour l'entretien du domaine public. Je vous propose de ne pas ici entrer davantage dans le détail des investissements. Nous y reviendrons plus tard si vous le souhaitez. La section d'investissement comporte également plus de 8 millions d'annuités de remboursement de la dette, puisque nous avions l'occasion d'en parler lors du REP. Effectivement, on rembourse de la dette. Donc, comme on rembourse à un certain niveau, on rembourse 8 millions et qu'on n'emprunte que 6, comme l'an dernier, bah forcément, le capital de la dette restant dû diminue. C'est purement mathématique. Le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement de plus de 11 millions d'euros, je vous le rappelle, l'emprunt d'équilibre nécessaire cette année pour la section d'investissement se situe à 5 millions d'euros, soit l'emprunt à lever le plus faible. L'emprunt à lever le plus faible depuis 10 ans. Voilà, ça c'est la réalité. Je l'ai dit, le budget est construit prudemment. Dès lors, l'objectif que nous nous fixons est de nous proposer dans les DM à venir de baisser encore ce besoin d'emprunt grâce à de nouvelles recettes qui nous permettront d'augmenter le virement du fonctionnement vers l'investissement. Nous profiterons aussi de ces DM pour provisionner une part de ces recettes à venir non encore inscrites en vue du remboursement des emprunts in fine. La diapositive qui vous est présentée reprend les éléments saillants de notre endettement. Vous ne m'entendrez pas vous dire que tout va bien, ce n'est évidemment pas le cas, et la durée de désendettement que vous évoquiez tout à l'heure, Madame Desbordes-Sylly, est encore trop élevée, même si elle diminue par rapport aux autres années. Les emprunts in fine contractés en 2014 avec la Deutsche Bank depuis 2014, lorsqu'aucune banque, aucune bonne française, n'est-ce pas, Miloud Kanfoudi, ne voulait nous prêter, demeure un sujet majeur de préoccupation. Je ne doute pas que vous y reviendrez. Nous avons aussi ouvert avec l'établissement bancaire des discussions pour reprofiler ces emprunts et les lisser dans le temps. Nos équipes travaillent également avec plusieurs conseils afin d'anticiper les années de remboursement qui seront, nous le savons toutes et tous, cruciales. Chers collègues, j'en ai fini de cette présentation. Certains diront peut-être que c'est un budget mi-figue mi-raisin que nous vous proposons, un budget qui ménage la chèvre et le chou. Alors oui, nous pourrions investir davantage en nous endettant davantage. Enfin, en théorie, parce que j'ai toujours pas compris s'il fallait se désendetter ou endetter pour certains, parce que ça varie en fonction des séquences et des réunions. Alors oui, nous pourrions investir davantage en nous endettant davantage, parce que dans la vraie vie, en pratique, Il faut trouver des établissements bancaires prêts à prêter à la ville l'argent nécessaire au financement de ses investissements. En politique, la confrontation au réel est toujours difficile, mais elle est indispensable. Sans trajectoire de désendettement, même minime, les emprunts nécessaires au financement des investissements ne pourront pas être levés. Nous pourrions aussi nous désendetter davantage, en investissant moins. Là aussi, il faut l'assumer devant les bagnoletaises et les bagnoletais et dire clairement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, il faut dire clairement ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas construire le parc des sports de la briqueterie et permettre la reconstruction du collège travail, ne pas refaire la rue des Rigondes dont la chaussée nous fait honte, ne pas s'engager résolument sur le NPNEU et refaire le stade des Malassis et construire à Dojo, etc., etc., etc. Je crois que nous avons avec ce budget une position d'équilibre qui nous permet à la fois de maintenir un niveau d'investissement certes pas assez haut, mais dont nous n'avons pas à rougir, et de maintenir une trajectoire positive permettant de crédibiliser notre action. Vous avez la parole. Bon, je reprends la parole. Alors, d'abord, je vais reposer la question que j'ai posée tout à l'heure à Cédric Pape, à laquelle je n'ai pas eu de réponse, concernant le taux de réalisation d'exécution des investissements 2023 sur l'ensemble du plan pluriannuel d'investissement de 118 millions d'euros que vous avez présenté en début de mandature. Quel est le pourcentage aujourd'hui Mais on peut vous le présenter, il n'y a aucun problème. On peut vous faire un point, si vous voulez, avec... Mais vous n'avez pas le chiffre, là, à nous indiquer? Non, parce qu'on l'a remis à jour. C'est le PPI, comme vous le savez, c'est un document évolutif. C'est ce qu'on explique en deuxième année de cours de finances publiques. Ah, ça y est, ça ouais. Parle. Non, alors, donc, ce alors, que je vous propose... Non, ce que alors, je vous propose genre, pardonnez-moi, non, mais, pardon, pardonnez-moi. Pardon, ce que je vous propose... Vous venez d'arriver, votre première phrase, vous recommencez vos humiliations et vos insinuations douteuses. Madame alors, retirez ce que vous venez de dire, s'il vous plaît. Madame Desbordes-Silly, je ne retire rien, je vous le dis. Si vous le souhaitez, puisque nous nous sommes engagés deux fois par an à avoir une séquence de travail du conseil municipal en séance privée, comme on dit, nous pouvons avoir demandé à l'administration, avant les vacances d'été, un débat, une discussion sur le PPI, qui associera également l'opposition en toute transparence. On peut avoir toutes les discussions que vous voulez en conseil municipal, en séance d'adoption du budget primitif. Quand je pose des questions, je suis en droit d'obtenir des réponses. Madame Desbordes-Silly, je ne vous ai pas demandé, vous m'avez traité quatre fois d'obsessionnel au dernier conseil municipal, je ne vous ai pas demandé d'excuses publiques, s'il vous plaît. Passons à autre chose. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. Alors, sur le dernier point que vous avez évoqué, sur l'obligation, la nécessité de dire la transparence sur le désendettement et sur l'obligation d'investir, bien sûr qu'il faut investir. Bien sûr qu'il faut investir. Mais il faut investir avec de l'épargne, avec de l'autofinancement. Or, il est quasi nul l'autofinancement. Il y a une épargne brute, il n'y a pas d'épargne nette. Donc, vous êtes obligé, bien sûr, sur l'exercice 2024, vous vous énorgueillez de n'emprunter que 5 millions d'euros. Mais 5 millions d'euros, quand on a un cours de dette de 147 millions d'euros, c'est 5 millions d'euros de trop. Reconnaissez-le. Bon, donc, une fois qu'on a dit ça, alors je vais me faire encore traiter de macroniste, mais bien sûr que la seule marge de manœuvre, eh bien, c'est d'actionner la baisse des dépenses de fonctionnement. Et actionner la baisse des dépenses de fonctionnement, ce n'est pas un gros mot. Hein. Quand on est face à un mur, il faut avoir un peu de courage. Et le courage aussi, c'est de dire que, je répète ce que j'ai dit à l'instant, c'est que ce n'est pas à vous de choisir quels sont les postes sur lesquels il faut réaliser des dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas à nous de dire il faut moins de dépenses de personnel. Sur quoi on peut se baser? Je vous pose la question. C'est à l'ensemble des habitants et des habitantes, par le biais d'un audit citoyen, par une consultation citoyenne, par un ensemble de réunions publiques, de déterminer quels sont les services publics qui fonctionnent bien, les services publics qui dysfonctionnent, ceux sur lesquels il faut mettre plus de budget, ceux sur lesquels peut-être on en a moins besoin. C'est pas à nous seulement, bien sûr ça nous appartient à nous, enfin à vous en tant qu'élus, de définir quelles sont les priorités budgétaires, mais c'est à l'ensemble des... Quand on est dans une situation de difficultés financières tel qu'on est ici à Bagnolet, il faut pouvoir trouver, innover, faire de l'innovation collective. Alors vous allez dire encore que c'est du jargon macroniste. Sinon, on va continuer à s'endetter. Et alors, c'est très bien de boucher les nids de poules, c'est super, mais c'est mieux d'avoir des réflexions de voirie totale. C'est très bien de faire un plan vélo, mais c'est mieux d'avoir des vraies pistes cyclables. C'est très bien de faire 15 jours de bajo-plage, mais c'est mieux de faire un mois. Vous voyez ce que c'est ? Donc, pas des investissements à la petite semaine, mais un plan d'investissement. Certains proposent de supprimer Bajoplage, par exemple. C'est une très mauvaise idée. Je ne sais pas qui a... C'est une très mauvaise idée. Je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, ça vient absolument pas de chez nous, parce que c'est une des mesures les plus formidables et tout à fait essentielles. Voilà. Mais c'est ça, la dette. Vous dites, monsieur le maire, la dette, c'est pas du tout malsain, la dette. Bien sûr qu'il y a un niveau de dette. Bien sûr qu'il y a un niveau de dette qui est nécessaire. Mais la quantité, le stock de dette que nous avons nous met en difficulté et vous empêche d'investir alors que cette ville a besoin d'investir parce qu'il y a eu un sous-investissement chronique. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Le vote de ce BP, de ce budget de la ville de Bagnolet pour 2024, se fait, je le rappelle, dans un contexte très lourd. Lourd internationalement, avec le renchérissement du prix de l'énergie et du transport qui affecte l'ensemble des coûts et influe sur l'inflation. Ce sont notamment les conséquences de l'agression russe en Ukraine et de la guerre menée par Israël à Gaza. Il est par conséquent ce contexte très lourd nationalement, avec l'inflation record que nous connaissons, avec notamment les prix de l'alimentation qui flambent, et les prix de l'énergie qui sont à des niveaux considérables désormais pour les familles, comme d'ailleurs pour les collectivités. Le budget de l'État subit également des coupes sombres sans précédent. Les conséquences sont importantes, notamment pour le budget de l'éducation, pour celui de la transition écologique et énergétique notamment. Les choix politiques qui sont faits aujourd'hui par le gouvernement attaquent directement l'école, la santé, la transition écologique. C'est pour cette raison qu'il y a une large mobilisation nationale en faveur de l'école publique, mobilisation encore plus intense localement, contre, d'une part, la réforme du collège, mais une mobilisation également, et c'est fondamental, pour un plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis, mobilisation que nous soutenons. C'est une stratégie de défausse de l'État sur les collectivités territoriales, on le répète sempiternellement ici, mais il faut le dire, et cela continue. Tout ceci, ce sont des éléments de contexte liminaires, mais qui entrent en ligne de compte au moment de fixer nos priorités budgétaires. Pour Bagnolet, à l'amorce de la construction budgétaire, une note de cadrage a donné instruction à l'ensemble des services d'opérer 5% d'économie sur les dépenses de fonctionnement, une sorte de coup de rabot uniforme. Or, un budget est là pour refléter des orientations politiques et démontrer des choix. Et pour ce qui concerne Bagnolet en commun, je m'exprime au nom de notre groupe, nous avons fait le choix pour les délégations qui sont les nôtres de ne pas suivre cette direction et de veiller à ce qui est voté ce soir ensuite soit traduit concrètement au quotidien au cours de l'année civile. Ce soir, nous voterons en faveur de ce budget que nous avons co-construit et je vais vous en donner les raisons. D'abord en matière d'éducation. C'est un budget en hausse et qui reflète clairement cette priorité affichée depuis le début du mandat, une hausse qui permettra de financer des projets éducatifs nombreux, de soutenir les élèves, de soutenir leurs familles. Et à titre d'exemple, le budget de la Caisse des écoles, qui tutoyait à peu près 200 000 euros par subvention de la ville, voit ce budget, après rattachement du programme de réussite éducative, tutoyer désormais les 600 000 euros. Ça se fait par des concours, notamment un financement de l'État à hauteur de 75%. Mais aussi, nous financerons de nouveaux projets, comme le projet ACT, qui permet l'accueil des collégiens temporairement exclus. C'est absolument fondamental, des mesures importantes pour l'éducation des jeunes de la ville. Ville qui consent un effort financier, effort partagé, puisque nous allons chercher notamment le concours de fonds européens. En matière de santé, je le répéterai autant que de besoin tout au cours de ce mandat, priorité absolue, notamment en matière de fonctionnement du centre municipal de santé. Pour la première fois cette année, les médecins viennent de voir leur contrat revalorisé et sécurisé. C'est un effort budgétaire important pour la collectivité et d'ailleurs Cette démarche va suivre, notamment pour les kinésithérapeutes, dans les prochaines semaines. C'est du concret, ça n'a jamais été fait avant. Cela veut dire concrètement fidéliser le personnel communal, rendre attractif le centre municipal de santé, attirer de nouveaux praticiens. Et il faut une santé pour toutes et tous, alors qu'elle devient plus chère. Je rappelle à ce titre que les franchises sur les médicaments augmentent à nouveau et que cette médecine, d'ailleurs, est de plus en plus rare. On s'en rend compte chaque jour, chacune et chacun en est témoin. Je pourrais continuer ainsi sur un certain nombre de délégations qui nous incombent, alors que le budget de la jeunesse et de la vie sociale des quartiers augmente de près de 8%, que le budget dévolu aux subventions aux associations augmente également, et que les projets d'accueil de la petite enfance à Bagnolet suivent le rythme que nous avions indiqué en début de mandat. Mais je le dis, il y a le vote, ensuite il y aura la réalité de l'exécution, et donc nous y veillerons. Donc voilà l'ensemble des raisons qui fondent notre vote ce soir, mais c'est un vote qui mérite un certain nombre de précisions. Le budget de Bagnolet, ville si endettée, est un sujet de tension politique. Et il nous semble important ce soir d'y revenir. D'abord, dire que des efforts ont été faits, que Bagnolet n'est pas au bord du gouffre financier, mais que ce budget est aujourd'hui davantage un révélateur d'autres difficultés de la ville, plus qu'il y a un problème dans sa structure même. Et à ce titre, je voudrais revenir sur deux agrégats, deux éléments centraux de ce budget pour essayer d'illustrer mon propos. D'abord, sur l'importance des dépenses en matière de personnel municipal. Sur à peu près 100 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, nous dépensons un peu plus de 46 millions d'euros en personnel. C'est beaucoup. Ce n'est pas un chiffre extravagant en termes de ratio, et surtout après l'ensemble des mesures indiciaires récentes qui ont été évoquées. Mais parfois, nous avons des débats paramétrique. Quel est le bon niveau de dépenses de personnel à Bagnolet ? Il nous semble qu'une telle question ne peut pas être saisie uniquement par 39 personnes autour de cette salle, car d'abord, ce n'est pas une question de chiffres. Nous avons des agents, nombreux, dont beaucoup travaillent, dur. Nous avons besoin de services publics, nous faisons des choix politiques, nous devons soutenir les travailleurs et les travailleuses à Bagnolet au quotidien. Mais la question principale, du coup, c'est le service rendu. Et si je devais parler un peu vulgairement, c'est les bagnoletais en ont-ils pour leur argent ? Et la deuxième question, en parallèle, puisqu'il faut avoir une approche équilibrée de ce débat, c'est les moyens sont-ils au rendez-vous pour que les agents puissent mener à bien leur mission ? Or, il nous semble que les bagnoletais ont fait des efforts, notamment en matière de prélèvement. Et donc la question qui se pose, c'est s'y retrouvent-ils ? Il nous semble qu'ils s'y retrouvent à ce stade insuffisamment et qu'il manque à ce stade, toujours, une double écoute. D'ailleurs, d'abord, une meilleure écoute de la population et ensuite, une meilleure écoute des agents. Nous sortons d'une période de grève du personnel d'entretien ménager et le dialogue respectueux ne doit jamais être rompu ni avec les représentants du personnel ni avec la population. Nous avons d'ailleurs tendance, cette population, à l'interroger très largement au moment des cycles électoraux. Or, il nous semble que cette question du service public dans son ensemble doit être une question centrale, même durant le mandat, une question qui doit être, à notre sens, désormais très largement approfondie. Le second agrégat, ensuite, le second paramètre que nous souhaitions évoquer, c'est l'investissement. Et c'est là que le bât blesse. Il faut se dire les choses, en 2023, nous avons voté des autorisations d'investissement et que tout n'a pas été dépensé. Le niveau voté était modeste, le niveau exécuté est donc relativement faible. On aurait pu faire plus. On aurait pu faire mieux et ça n'a pas été fait. Et une partie de ce qui n'a pas été fait est à imputer directement au fonctionnement de la collectivité et ça jette, à notre sens, une lumière assez crue sur un certain nombre de difficultés que Bagnolet doit résoudre. Je précise au passage, puisque ça a été évoqué, que le budget d'investissement dans la direction appelée Nature en Ville est à ce titre insuffisant, mais a été annoncée une décision modificative. Donc le tir sera corrigé. Aujourd'hui, notre vote sur le budget, ça n'est pas un blanc-seing, c'est un vote pour permettre de faire ce sur quoi nous étions engagés, mais notre prise de parole ce soir est aussi là pour jeter une lumière sur les obstacles qui se dressent dans la conduite des affaires de notre ville. Et il nous semble que nous faisons face à trois difficultés principales, une difficulté de dialogue, une difficulté de gestion et une difficulté de vision. Le dialogue, je viens d'en parler au sujet du personnel municipal, mais c'est une discipline à laquelle il convient de se contraindre. Dialogue avec des relations qui doivent s'apaiser, avec l'ensemble des partenaires, des institutions, de la communauté scolaire, de la population en général. Le dialogue, c'est le débat apaisé et il n'y a jamais trop de débat. C'est la concertation, mais ça n'est pas non plus la tergiversation. Et lorsque nous sommes engagés politiquement en 2019, pour notre groupe, nous voulions notamment sortir de tergiversation et de l'interminable débat sur la reconstruction du collège travail. Nous voulions rendre la parole à la population à l'occasion d'un référendum local sur l'implantation du collège, ça a été fait. Mais pourtant, depuis lors, le dialogue nous semble insuffisant avec le département, puisque du retard est pris pour la construction de ce collège. Donc on évoque aujourd'hui 300 000 euros de travaux chaque année dans ce collège, dans l'attente de la livraison du collège nouveau. Et nous espérons des avancées claires et un calendrier partagé sur la reconstruction de ce collège, puisque la patience déjà hors du commun dont a fait preuve l'ensemble de la communauté scolaire de cet établissement est à souligner. En somme, mieux dialoguer, mieux négocier, nous avons besoin de cela pour les projets les plus structurants de la collectivité. Nous faisons face aussi à un problème de gestion. Nous avons une rotation des cadres trop importante dans notre ville pour pouvoir suivre les projets au long cours. Il faut par ailleurs des recrutements solides, c'est-à-dire des recrutements de personnel complémentaires qui viennent apporter davantage encore de techniques, puisque les sujets auxquels nous avons affaire deviennent de plus en plus techniques. Question de l'eau, question du vélo, question urbaine encore. Une partie des investissements qui n'ont pas été menés en 2023 n'ont pas été menés parce que nous n'étions pas en capacité de reprendre ces projets d'ampleur. Trop de temps est ainsi perdu et trop de projets sont remis au lendemain. Et nous avons également des problèmes de gestion quotidienne, et je l'ai redit, j'ai eu l'occasion de leur dire plusieurs fois au sein de la majorité, il faut engager désormais un travail d'économie sur un certain nombre de fonctions support de la ville, des fonctions support qui sont onéreuses mais qui sont difficiles à payer quand on est une ville d'à peine 40 000 habitants et que d'autres villes voisines sont encore plus petites. Et réduire notre train de vie, alors à commencer, c'est symbolique, mais ça en fait partie, on en a déjà parlé, il y a des choses qui vont être faites sur la flotte automobile, mais mettre aussi plus de règles claires, plus de process pour dépenser moins. Enfin, le dernier sujet, c'est celui de la vision. Il nous semble que nous devons dire plus clairement où nous allons et comment nous le faisons. Et ce sujet, nous l'avions déjà abordé au mois de juillet dernier, quand il y avait ici un débat sur la police municipale. Alors, il se trouvait que nous portions un autre projet de brigade de l'environnement, de tranquillité publique et de médiation, car nous manquons dans cette ville de médiation. Et ça revient à la thématique précédente que j'avais évoquée, qui est la thématique du dialogue. Et donc, les gens ont besoin de tranquillité, nous ne le nions pas, mais pas uniquement d'un imaginaire policier, aussi d'un imaginaire partagé de tranquillité publique. Donc que les postes au tableau des effectifs soient pourvus, qu'une brigade mixte que nous proposions voit le jour, aucune difficulté, mais je le redis ici pour plus de clarté, quand je lis l'ambition d'avoir d'ici à la fin du mandat 15 policiers municipaux, je me demande quel est le service public qui en fera les frais alors que nous annonçons, à juste titre, une stabilité de la masse salariale. Alors je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre d'autres, car un budget nous oblige à faire des choix et à ne pas dire oui à tout le monde en faisant un peu de choses partout, surtout pas à l'heure des grands chamboulement, pas à l'heure de la menace climatique et pas à l'heure d'une crise sociale sans précédent. Dans ce budget, nous faisons un peu d'investissement, un peu de désendettement, un peu de gestion salariale, mais il me semble sans suffisamment expliquer où nous allons, notamment en matière d'investissement, car faire des choix, c'est aussi déplaire, et faire des choix, c'est aussi les porter et les expliquer. Donc, je viens d'essayer de le faire pour les délégations dont nous avons la charge, mais il faudra également s'interroger à nouveau sur la priorisation de nos dépenses, le faire aussi sur la question des recettes, car les impôts locaux ne doivent plus augmenter, c'est impensable, densifier bien davantage la ville ne porte pas de solution pérenne, et donc il faut contribuer à régler nos problèmes de gestion, à accélérer en matière d'exécution, mais aussi à travailler sur l'attractivité du territoire pour l'emploi, pour le commerce, pour le rayonnement de ce qui fait les qualités, d'ailleurs nombreuses, de cette collectivité. Je vous remercie. D'autres interventions ? Vassin-Doux. Mesdames et messieurs, chers collègues, le vote du budget primitif est un temps fort, si ce n'est le temps fort de notre collectivité, parce qu'il affecte à la fois les budgets nécessaires à chaque délégation, mais permet également les échanges et des débats de fond sur l'orientation de la politique communale. Donc d'aborder les nombreux sujets au cœur de la vie des Bagnoletais, des Bagnoletaises. Dans une période marquée par une paupérisation inquiétante de la population, du fait de l'inflation, mais pas seulement. Depuis le début du mandat, notre projet politique est clair, aménager de manière durable et équilibrée Bagnolet. Et pour nous, c'est agir pour préserver l'environnement et les espaces publics qui sont par définition les premières choses qui nous sont communes. Bien que la météo pluvieuse de ces derniers jours puisse laisser entendre le contraire, les mois de janvier et février ont été les plus chauds jamais enregistrés sur Terre selon le Centre européen Copernicus. En luttant contre le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement la planète que l'on sauve, mais ce sont nos propres conditions de vie qu'on améliore et également celles des générations futures. Dès lors, on ne peut plus clairement penser les problèmes comme hier et nos politiques publiques doivent être à la hauteur de ces enjeux. C'est la raison pour laquelle nous ne nous satisfaisons pas du niveau d'investissement de la direction de la nature en ville qui fort heureusement sera corrigé par la décision modificative à venir, car nous avons l'intime conviction que nous pourrions faire davantage en matière de crédit d'investissement pour la végétalisation. Aussi, notre souhait est que la hausse prévue des recettes liées à la taxe de séjour, qui seront générées par les prochains Jeux olympiques et paralympiques, se traduise en financement de projets innovants et écologiques pour notre collectivité. Comment ne pas saluer en parallèle la création de postes permanents à la direction de l'enfance pour assurer une meilleure prise en charge de nos enfants. Enfin, nous considérons qu'au-delà de l'inscription des crédits, c'est bien à force de volonté politique que nous réussirons à faire encore plus et mieux pour l'écologie et le cadre de vie des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Nous voterons donc, les citoyens indépendants, ce budget parce que nous croyons en une politique plus ambitieuse aujourd'hui et pour l'avenir. Merci. Merci. D'autres interventions ? Émilie Trigo. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots sur ce budget, mais d'abord, cher Édouard, je suis désolée. Tu me cherches, je pense. Donc, je vais te le dire en souriant. J'ai commencé par cher Édouard. Non, tu as dit tout à l'heure que tu aurais pu choisir un autre exemple pour illustrer tes propos que celui de la police municipale, mais tu as quand même choisi celui-là. Et attention, parce que je pense qu'on va bien te dire que tu parles plus de police que moi. Attention, Edouard. Non, plus sérieusement, je rappelle quand même que lors de ce fameux conseil municipal, on avait pris l'engagement, monsieur le maire et moi-même, qu'il s'agisse d'un service de 3 agents, qu'il soit non armé, et si cela n'était pas écrit dans la délibération qui était présentée au vote, nous avons proposé une interruption de séance pour pouvoir le rajouter sur la délibération. Donc ça, ce sont les faits, les conseils sont enregistrés, on pourra retrouver la séquence si c'est utile. Un article, ça reste un article. Je ne me sens pas tenue par les propos d'un journaliste qui a écrit un article 15 jours après ce fameux conseil municipal. Je m'arrête là sur ce sujet et je reviens sur ce que j'avais préalablement envie de vous dire concernant ce budget. Évidemment, c'est le moment de parler des engagements pour 2024, mais c'est aussi l'occasion de revenir un peu, en partie, sur le bilan de l'année écoulée. Concernant la direction de la tranquillité publique, 2024, ce sera l'occasion de confirmer l'axe prévention qui est le nôtre, en poursuivant le partenariat avec l'association Rue et Cité, tout en travaillant en parallèle à la mise en place de médiateurs municipaux, comme nous avons déjà eu l'occasion d'en discuter. Nous changerons aussi une dizaine de caméras de vidéoprotection installées sur la ville pour un équipement plus performant et notamment plus efficace en termes de déport d'images en direction du commissariat des Lilas. 2024 devrait être enfin l'aboutissement du chantier ouvert depuis plusieurs années maintenant concernant la réforme du stationnement à Bagnolet et la mise en place d'une DSP pour environ 800 places de stationnement devenant payants dans la ville. Cette DSP participe à une réflexion plus globale sur l'amélioration du stationnement dans la ville et la nomination de notre policier municipal il y a quelques mois a déjà montré ses fruits puisqu'il a à lui seul fait enlever plus de 300 véhicules d'Yventouse entre octobre et décembre 2023 et ce en dehors des opérations coup de balai. En 2023, les ASVP ont par ailleurs permis à la ville une recette de plus d'un million d'euros et l'année 2024 en prévoit autant. En conclusion, nous continuons à avancer avec une politique en termes de tranquillité publique sur ces deux jambes, prévention d'abord, répression lorsque cela est nécessaire. Je vous remercie. Merci, Émilie. D'autres interventions ? Jean-Claude Oliva. Merci, Monsieur le maire. Nous sommes réunis ce soir pour le vote du budget, comme je l'ai déjà dit il y a un mois, lors de la discussion du rapport d'orientation budgétaire, nous partageons complètement les intentions et les objectifs du budget. Le problème étant plutôt de les réaliser dans un certain nombre de domaines, comme la maîtrise de l'endettement ou de la masse salariale, les deux questions étant liées, ou encore dans la recherche de financement pour la réalisation de projets. Côté recettes, on l'a vu tout à l'heure, il n'y aura pas de hausse de la fiscalité de la part de la ville, et je m'en réjouis, c'est tant mieux. Un point aussi sur la taxe d'aménagement mise en avant parfois par certains, c'est qu'il n'est pas une bonne façon d'augmenter les recettes. C'est une recette immédiate, mais elle induit une dépense ultérieure bien supérieure. C'est une recette ponctuelle, mais elle provoque une dépense continue qui se poursuivra au fil des années. Elle entraîne la densification de notre ville, qui a connu une augmentation de la population de 10% en 4 ans, malgré le moratoire qui l'a freiné en début de mandat. Nous sommes préoccupés par le niveau atteint par la dette de la ville, je l'ai déjà évoqué précédemment, la dette pèse sur les investissements. Si on n'avait pas une dette à ce niveau, on pourrait investir davantage dans les écoles, par exemple. Arrêtons-nous justement un moment sur les écoles. Il y a en ce moment un puissant mouvement de la communauté éducative qui poursuit deux objectifs principaux. Obtenir un plan d'urgence pour l'éducation en Seine-Saint-Denis et mettre en échec le tri des élèves au collège et d'autres régressions comme le port de l'uniforme à l'école ou le service national universel. Avec le plan d'urgence, il s'agit d'obtenir les enseignants et tous les personnels nécessaires en nombre suffisant. Cela concerne aussi les locaux, trop souvent délabrés, des établissements scolaires, qu'il s'agisse des lycées, des collèges ou des écoles. La municipalité, bien sûr, soutient ce mouvement. Elle a imprimé des tracts, mis une banderole sur l'hôtel de ville, en tout cas c'est prévu, c'est très bien. Mais nous avons la responsabilité de faire quelque chose de plus structurant. Il faut s'appuyer sur ce mouvement en cours pour demander et obtenir davantage de l'État. C'est ce que fait le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis en demandant à l'État une aide exceptionnelle pour les collèges. Pourtant, le département fait déjà beaucoup pour les collèges, mais ce n'est pas suffisant. C'est ce que disent les enseignants, les enfants et les parents. Nous en savons quelque chose avec le collège Travail et dans une moindre mesure avec le collège Politzer. Cela vaut aussi pour les écoles. Au début des années 2000, j'ai organisé avec d'autres parents un rallye des écoles qui se déglinguent, de Jaurès à Ferry, en passant par Joliot-Curie et Langevin. Depuis, le groupe scolaire Joliot-Curie a été reconstruit, l'école Langevin s'est quasiment écroulée et les enfants sont accueillis durablement dans des préfabriqués. Des travaux de maintenance ont été réalisés à Ferry et à Jaurès, où il y a aussi des préfabriqués depuis plus de 15 ans. Au cours de ce mandat, l'école Pêche d'Or est reconstruite, l'école du centre-ville et la reconstruction de Langevin sont sur la liste d'attente, sans doute pour les prochains mandats. Nous sommes sur un rythme de construction ou de reconstruction d'un groupe scolaire chaque deux mandats. Soyons lucides. Si on continue comme ça, l'école Jaurès, par exemple, sera reconstruite en 2050. Cela n'est pas satisfaisant, ni pour les enfants en premier lieu, ni pour les parents, ni pour les élus que nous sommes. Demandons donc une aide exceptionnelle à l'État pour reconstruire les écoles de Bagnolet, comme le président du conseil départemental le fait pour les collèges. D'ailleurs, si nous pouvons reconstruire l'école Pêche d'Or aujourd'hui, c'est bien grâce à une aide de l'État obtenue dans le cadre du PNRU. Je reviens au budget dans sa globalité. Il n'y a pas de désaccord politique qui réconciliable à gauche, pas plus à Bagnolet qu'ailleurs. Nous souhaitons tous et toutes les meilleurs équipements et les meilleurs services à la population. Pour faire les investissements nécessaires, il faut diminuer la charge que la dette fait peser sur nos finances. Il est nécessaire de réduire la masse salariale pour dégager de l'épargne et faire davantage d'investissements. Cela ne veut pas dire moins de services publics, mais un service public qui fonctionne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut se concentrer sur le fonctionnement de notre service public local et le changer en profondeur. Ce diagnostic aussi est partagé, ou était partagé entre tous au début du mandat. J'en veux pour preuve les auditions des élus de la majorité, maires et premiers adjoints de l'époque en tête, de la direction des services et des représentants syndicaux réalisée par le bureau d'études Talisker en début de mandat sur ma proposition d'états généraux du service public local. Il ressortait notamment de cet audit, je cite, « une vision d'ensemble émerge d'une population bagnoletaise insatisfaite de ses services publics. De l'avis de l'ensemble des interviewés, une majorité des services ne sont pas rendus comme ils devraient, à l'exception de certains secteurs comme la culture ou la santé, où l'offre est qualitative, le socle de base n'y est pas. De l'avis général des personnes interviewées, la population partage une perception dégradée de ses services publics municipaux, plus souvent sur des services visibles. » Je continue la lecture à vraiment des grandes têtes de chapitre, hein, je ne vais pas vous faire une lecture trop longue. « La quasi-totalité des interviewés font référence à une administration communale en souffrance. La plupart des interviewés évoquent spontanément un contexte très dégradé de l'administration communale, sinistrée, en souffrance, situation critique, inquiétante. Les références sont systématiques à une administration communale structurellement dysfonctionnelle. Si les valeurs et le diagnostic sont partagés, donc je finis la citation, où est-ce que ça coince alors dans la gestion, dans la mise en œuvre? Le rapport Talisker évoquait la nécessité de concentrer la démarche sur les modes de fonctionnement, les conditions et l'organisation du travail, la formalisation et la mise en place de règles de gestion. Donc nous le savons tous, on le dit, maintenant il faut le faire. Il n'est pas trop tard. C'est le sens de notre vote qui sera en faveur du budget présenté. C'est un vote de la dernière chance. Nous savons aussi que voter contre le budget n'améliorerait pas la situation de la ville. Nous ne souhaitons pas entrer dans une campagne électorale anticipée avec tout ce que cela suppose de tensions et de manœuvres. Nous respectons donc le calendrier électoral. Pour autant, nous ne resterons pas dans une position attentiste. Nous continuerons à jouer notre rôle d'aiguillon de la majorité et nous allons mettre en place des groupes de travail transversaux sur les finances et sur la gestion de la ville, en interne avec tous les élus qui le souhaitent, mais aussi au-delà du conseil municipal, avec nos concitoyens. Le pape va répondre sur un sujet et je vais compléter. Pardon. Oui, parce qu'après on oublie et il y a des sujets qui sont intéressants, notamment quand tu es soulevé par Jean-Claude et notamment à la taxe d'aménagement, parce que dans le certain que tu évoquais, Jean-Claude, je me suis senti un peu visé et je ne pense pas me tromper. Et donc, du coup, ça permet de monter le débat au conseil municipal. Pourquoi pas? Je ne vois pas pourquoi Bagnolet se priverait de taxes d'aménagement. Ça, je n'ai toujours pas compris. Justement, c'est une ville qui est endettée. On fait recours à l'emprunt. Certains pensent de trop. Certains ne pensent pas assez, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, ça anime le débat. Mais je ne vois pas pourquoi Bagnolet se priverait de taxes d'aménagement. Enfin, il y a quand même quelque chose qui m'échappe considérablement. On a besoin de recettes. Donc, il n'y a pas 36 000 manières d'avoir des recettes. On parle de pensée magique évoquée par certaines personnes. Mais en fait, très rapidement, il y a les taxes. Et je pense que le maire l'a redit, il est hors de question d'augmenter les taxes locales de nouveau sur ce mandat-là. Mais il y a la taxe d'aménagement, et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Enfin, je ne vois pas pourquoi, dans cette ville, on se priverait de taxe d'aménagement. En plus, on ne peut pas être plus royaliste que le roi, parce que c'est un discours qui est subtil, mais qui est un petit peu trompeur. Aujourd'hui, une opération immobilière se fait sur la ville, par un promoteur privé, sur un terrain privé. Et il respecte le PLUI. De quel droit pouvons-nous interdire cette construction? Aucun. Donc aujourd'hui, un promoteur arrive, il a des droits de construction, ces droits-là sont conformes au PLUI, je ne vois pas pourquoi on se priverait de taxes d'aménagement. Alors par contre, ce qui a été mis en place et qu'on nous a souvent reproché à M. le maire et moi, c'est le moratoire. Le moratoire a été appliqué. Ce moratoire a été respecté par les promoteurs avec beaucoup d'efforts de notre part, monsieur le maire et moi-même, parce qu'il a fallu qu'on se dispute énormément. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas énormément de grues sur la ville. Le moratoire a été respecté. Et même avec le moratoire, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a plus de population. Donc on a bien fait de le mettre en place, ce moratoire. Je me suis fait assez critiquer comme ça sur le moratoire parce que paraît-il que c'était une chimère. Mais force est de constater que ça a fonctionné. Donc aujourd'hui, on a fait un bilan de mi-mandat dans la majorité municipale. Et à ce moment-là, nous avons tous convenu dans la majorité municipale d'essayer de s'accorder un peu plus de tolérance sur le moratoire pour que certains projets portés par la majorité et présentés toujours en bureau municipal en toute transparence entre élus de la majorité, pour que certains projets puissent se développer et obtenir de la taxe d'aménagement. Ça ne me paraît pas une folie pure d'essayer de dynamiser la ville sur des projets intéressants qui peuvent faire fructifier notre ville et aussi obtenir de la taxe d'aménagement. Il y a un point là-dessus, parce qu'en fait, mais on aura l'occasion de le présenter en bureau municipal, et ensuite, je le souhaite, y compris aux élus de l'opposition, on a eu une mise à jour récemment de l'étude Force. Le Force, c'est un cabinet qui nous accompagne sur l'évolution de la démographie scolaire, qui nous accompagne depuis 2018 et qui démontre que ce que vient de dire Jean-Claude Oliva est profondément erroné, puisque aujourd'hui, les effets du moratoire se font sentir sur l'accueil de la population scolaire, puisque la ville de Bagnolet, qui aurait dû être en crise d'accueil à partir de ces années, si on se fiait à ce qui avait été présenté en 2018, aujourd'hui, on perd de la démographie scolaire, comme les autres villes de Seine-Saint-Denis, comme Paris, et les effets du moratoire se font doublement sentir dans l'analyse. C'est ce qui nous a été présenté récemment. On aura l'occasion de le présenter en bureau municipal et je pense que ça pourra également intéresser les élus de l'opposition parce que ça montre que les besoins dans une ville évoluent. Un PPI évolue et les besoins en termes de démographie scolaire évoluent. Mona Bellil, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Hasard du calendrier, à la veille de la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix, et en pleine semaine olympique et paralympique, je prends la parole ce soir pour vous exposer notre action autour du sport. Bagnolet connaît une réelle dynamique depuis de nombreux mois autour du sport, voire de nombreuses années. Tout d'abord, en termes de projets structurants pour la commune, tout à l'heure vous parliez de ce projet structurant. Effectivement, on a la briqueterie avec le parc de la briqueterie, notamment un nouveau terrain, une nouvelle tribune qui pourra accompagner la montée en division du club de rugby qui passe de R3 à R2 et que je félicite. Nous avons du côté des Malassis donc un rééquilibrage et un désenclavement du volet nord de la commune, du côté des Malassis avec une salle de combat. Une nouvelle salle de combat qui répond à la demande des différentes associations, et notamment une en particulier, la lutte qui est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Nous aurons une piscine et un city-stade. Puis en termes d'événements aussi, depuis quelques mois maintenant, vous voyez différentes manifestations autour du sport. On a eu Bagnolet Terre de Jeux en septembre dernier, qui a réuni parents, enfants, associations, jeunes et moins jeunes, et de nombreux élus d'ailleurs, sur la place Salvador Allende, pardon, Nelson Mandela aussi, par moment. Le retour d'Octobre Rose en octobre dernier, la découverte de sports olympiques et paralympiques durant les congés scolaires. On a eu ça à la Toussaint, aux vacances d'hiver et là, aux vacances de Pâques. Nous avons eu des films conférences, notamment autour de la couleur de la victoire en janvier dernier. Un job dating récemment du Stade vers l'emploi avec ma collègue ici présente, Manon Chrétien, qui a porté haut et fort ce projet qui est en partenariat avec France Travail maintenant, qui a connu un franc succès puisqu'on a eu une centaine de candidats, des postes à la clé et sur le bassin de vie Bagnolet et Montreuil. Nous avons eu les Jeux de Bagnolet à l'occasion de la semaine olympique et paralympique qui s'est déroulée la semaine dernière et qui ont été un franc succès. Je remercie d'ailleurs la communauté éducative qui s'est prêtée aux Jeux, les parents qui ont accompagné les élèves, les élus qui ont été présents et les services de la ville qui ont porté ces différentes manifestations. Donc un petit message et un clin d'œil à la direction des sports. Pour ne citer que ces événements, et sans compter sur les événements à venir, on a le Run Archery qui va arriver, les Olympiades culturelles, je sais que ma collègue ici présente, Merlane Georges, va pouvoir en parler. Pas tout de suite Merlane, t'inquiète pas. Le Run Archery, la journée paralympique au mois de mai, ou bien encore l'accueil de la flamme olympique qui est juste inédit, extraordinaire pour notre commune, qui se déroulera le 25 juillet prochain. Enfin, on parle de pépettes et de budget. Concernant le budget du sport, effectivement, on connaît une légère économie de fonctionnement en conformité avec la note de cadrage, hein, tout comme les différents services. Hein. La rigueur budgétaire et juste le souci du donner public et le soin qu'on y apporte est important. Seulement, en conformité, donc, comme je l'ai dit, avec la note budgétaire, néanmoins, le volet soutien aux associations, lui, est en hausse. Et je ne peux que m'en féliciter. Enfin, malgré tout ça, un contexte national ambivalent en cette année olympique, où l'on érige d'un côté le sport comme grande cause nationale, et où d'un autre, on acte par voie de décret, le 21 février 2024 notamment, une annulation de crédit qui affecte le ministère des Sports pour un montant de 50,5 milliards d'euros. Donc là, j'imagine qu'il y aura des petites conséquences du côté des collectivités territoriales. Enfin, je profite de cette prise de parole pour féliciter de vive voix et chaleureusement ma collègue ici présente, Zora Kelly, athlète de haut niveau, qui s'est récemment qualifiée en individuel et en équipe pour les Jeux Olympiques. Donc je te souhaite de croquer la médaille cet été. Voilà. Merci, monsieur le maire. Très chers collègues, bonsoir. Concernant le budget provisionnel, les consignes étaient claires. Réduire les dépenses de fonctionnement et échelonner l'investissement en priorité. La majorité municipale, malgré ce que l'on peut entendre, fait des efforts pour réduire le poids de la dette. Je me permets d'enfiler un instant ma casquette d'économiste. La dette est une charge supportée par tous, mais elle ne doit pas être handicapante et ralentir le développement de notre belle ville. Une chose est claire, toucher à l'éducation et aux seniors est hors de question. Faire des efforts de gestion, chacun dans sa délégation, est la solution pour réduire l'endettement. Et on y reviendra plus tard, certains ont joué le jeu des 5%, d'autres les ont dépassés. Très chers collègues, préférez-vous jouir d'investissement et de développement local ou vous précipiter au remboursement de la dette et priver notre belle ville de services publics inclusifs dont chaque bagnoletaise et bagnoletais profite? Concernant ma délégation et la DSI, nous avons fait le choix de jouer le jeu et de dépasser les 5% d'économies demandées par l'administration afin de présenter un budget prévisionnel sérieux et responsable. Suite à de nombreuses réunions avec l'administration, nous avons établi un ordre de priorité des dépenses avec la priorité zéro représentant les dépenses essentielles au maintien du service public et du bon travail des agents et la priorité numéro 3 étant un investissement qu'on pourra repousser dans le temps. Comme dit précédemment, certains ont joué le jeu sur la base des 5%, d'autres non. À la DSI, nous sommes de bons élèves, et on a réussi à dépasser ce 5%-là. C'est 113 000 euros de réduction de dépenses, soit 12,21% pour le budget de fonctionnement, et près de 23% de réduction pour le budget de l'investissement. Nous passons donc pour l'investissement de 1 059 900 000 euros à... Non, pardon, nous passons donc de 1 384 850 euros, on va y arriver, à 1 059 900 euros, tout en gardant des ordres de priorité. Nous avons suivi les recommandations proposées par l'audit de sécurité dans le cadre du parcours cybersécurité. Nous comptons procéder à la refonte du réseau Wi-Fi de l'hôtel de ville et renouveler les équipements réseau et des onduleurs des salles de service, ainsi que procéder à la migration de la messagerie. Merci à tous. Je peux me permettre de reprendre la parole parce que c'est un sujet qui me passionne. Je vais vous reparler du site web. Un site web inclusif, accessible, qui permette aux personnes âgées, aux malvoyants, aux malentendants de trouver les informations qu'ils cherchent et qui avaient été budgétées au budget primitif 2023. Exactement. Alors concernant le site internet, il a été repoussé. Car on a fait le choix de sécuriser nos installations. Donc il y a eu une grosse refonte et une migration de l'infrastructure qui est prévue cet avril-là, fin du mois d'avril. On s'est rendu compte qu'on a une infrastructure qui date de 2016, donc qui présente des risques de sécurité. Les risques de sécurité nous ont été pointés suite à un audit dont on a reçu une subvention de 50 000 euros. Aujourd'hui, on est dans l'urgence sur le remplacement des onduleurs, le remplacement des serveurs, pouvoir sécuriser les salles de serveurs. Donc, on a eu une priorisation. Le choix qui a été fait, c'est quoi? C'est proposer une application, parce qu'on s'est rendu compte lors des usages que les personnes utilisaient tous leur téléphone et moins l'ordinateur à la maison. Donc, on a fait le choix de pousser l'application Mon Bagnolet. Je ne sais pas si tout le monde l'a téléchargée, mais vous pouvez voir que c'est une application qui a été très bien reçue. Hein. Au conseil de quartier, on a été félicité pour cette application-là, qui a été développée conjointement avec Arpège, un partenaire pour tout ce qui est outils et métiers. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est vrai que le site Internet a été budgétisé et repoussé. C'est un fait, mais on travaille dessus. Il faut savoir que le site Internet, nous avons clôturé le cahier des charges il y a plus d'un an et demi. Donc le cahier des charges est clôturé. Maintenant, c'est une question de priorisation de notre budget. Merci. Manon, ensuite Yalana. Merci, monsieur le maire. Le vote de ce budget est également un signal fort en faveur des politiques publiques de l'emploi. En effet, alors que la compétence emploi a été octroyée il y a maintenant plusieurs années à l'EPTS Ensemble, la collectivité souhaite continuer d'œuvrer au plus près de ses habitants en recherche d'emploi. À cet effet, nous avons fait le choix collectif et assumé d'augmenter la subvention allouée à l'association CAPS Comme Nous, qui est l'entreprise à but d'emploi créée dans le cadre du projet et de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. C'est l'outil public créé par la ville afin de constituer un véritable bras armé de la politique municipale de l'emploi sur les territoires concernés. Un travail étroit et collaboratif est mené avec eux afin qu'ils soient pour la ville et plus particulièrement pour les quartiers de l'Écapsulerie et de l'Anou des vecteurs d'emploi, d'insertion et d'identification des publics les plus éloignés de l'emploi et pour lesquels nous nous devons de faire le maximum. Vous l'aurez compris, cette association a forte valeur ajoutée pour la collectivité, un véritable outil public en faveur des habitants de ces deux quartiers prioritaires. Pour aller plus loin, quelques chiffres et des informations d'actualité concernant cette entreprise à but d'emploi. C'est aujourd'hui 16 salariés actuellement en CDI et bientôt 20 d'ici le mois prochain. Un tiers-lieu destiné aux seniors dans l'ancienne crèche Nemo qui est au Malassis. Un point poste et un distributeur automatique au même endroit pour pallier à la fermeture de la poste au Malassis. Une guinguette avec petite restauration et boisson au parc Audin. La réappropriation des serres toujours au parc pour développer la nature en ville. Une boutique de seconde main au centre commercial Bellest et un projet de réemploi avec l'association TerraVox. Vous l'aurez compris, cette association n'est pas comme les autres. Elle est régie par les Bagnoletais et agit pour les Bagnoletais. Nous continuerons jusqu'à la fin de ce mandat à porter cette structure afin que leurs actions puissent rayonner sur l'ensemble de la ville. Je vous remercie. Merci Manon. Yalana. Monsieur le maire, collègues élus, mesdames et messieurs, je me permets de prendre la parole en tant que conseillère municipale chargée au Seigneur pour remercier la municipalité et le maire pour une attribution de la subvention d'un montant d'1 395 000 € au service de CCAS. Et malgré le contexte économique difficile et la diminution des dotations et subventions de l'État, grâce à cette subvention, le CCAS répond aux besoins de nos aînés. Aide à domicile, plus d'une centaine de personnes en bénéficient. Services en soins infirmiers, une infirmière et 7 aides-soignants pour 40 patients. 2 700 personnes ont participé aux activités du service d'animation du centre Paul Coudert. Activités, ateliers, séjours, 66 sorties en journée ou demi-journée, animation et événements de fin d'année. Bajolib, le transport qui a permis de réaliser 975 trajets en 2023 sur 195 jours. C'est un service que nous avons et que nous améliorons actuellement. La résidence au but en passant, 65 logements bénéficient d'une part de la subvention pour son fonctionnement. livraison des repas à domicile pour l'année 2023, on compte 11 864 repas délivrés, soit 35 repas par jour. Grâce à votre politique engagée pour la santé au Centre médical de santé Elsa Rustin, des nouveaux médecins généralistes ont été recrutés et 1734 personnes de plus de 60 ans ont choisi le SMS et son équipe pour sélectionner le médecin traitant. Depuis le 20 janvier 2022, Monsieur Di Martino, vous avez signé une convention avec la mutuelle de santé de Bagnolet qui a eu pour conséquence que 421 personnes couvertes, dont plus d'une centaine d'entre elles, ont plus de 60 ans. Je remercie les agents de CSAS engagés au quotidien pour le bien-être de notre population plus vulnérable et qui concrétisent votre politique d'engagement solidaire. Merci. Et j'espère que l'année prochaine, votre budget pour le CSAS dépassera le cap d'1,4 million. Merci à vous. D'autres interventions ? Merlan. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Alors que nous sommes ici réunis pour discuter du budget de notre ville, je vous remercie de me laisser l'opportunité d'exprimer ma profonde conviction avec, vous l'aurez noté, toujours autant d'enthousiasme, de naturel, de plaisir et d'engagement quant à l'importance cruciale de l'investissement dans la culture et le patrimoine culturel sur notre territoire. Ce soir, je reprendrai les termes de M. Rio, maire de Grigny, élu meilleur maire du monde en 2021, en affirmant que la culture n'est pas un coût, mais un investissement. La culture est l'essence même de notre société. Elle est le reflet de l'identité d'une ville, de ses valeurs et de son histoire. Elle nourrit nos esprits, éveille notre curiosité, favorise le dialogue et le vivre ensemble. En investissant dans la culture, nous investissons dans l'épanouissement de chacune et chacun d'entre nous. Nous offrons des espaces de création, d'expression et de médiation, des lieux de rencontre et d'échange où s'épanouir et s'enrichir. Car oui, la véritable richesse se trouve dans nos cultures à toutes et tous. L'action municipale est le moteur de notre développement local. Donc, à travers elle, nous répondons aux besoins concrets des habitants et des habitantes cherchant à assurer un cadre de vie de qualité en favorisant l'accès aux services essentiels et en créant des opportunités pour toutes et tous. Car oui, nous n'avons pas oublié que la culture est essentielle. En investissant dans la culture, nous investissons dans notre avenir, en construisant une ville plus inclusive, solidaire, durable et dynamique. C'est donc toujours avec autant de plaisir et d'enthousiasme que nous avons continué à développer l'éducation artistique et culturelle sur notre territoire en resserrant le lien entre le musée des arts visuels et du patrimoine Château de l'Étang avec les écoles, en rapprochant le dispositif, les élèves participant au dispositif DIMOS du conservatoire. Je dis nous, mais ce sont les agents qui remplissent pleinement leur mission de service public et je les remercie ici ce soir. C'est également effectivement, l'année des Olympiades culturelles, et je voudrais saluer quand même le travail de ma collègue élue au sport, Mona Mélil. C'est vraiment un grand plaisir qu'on a pu avoir l'ouverture du festival Boost, qui était donc la saison des danses urbaines dans le cadre des Olympiades culturelles, pilotée par les rencontres chorégraphiques internationales que nous avons la chance d'avoir vu naître et être encore aujourd'hui sur notre territoire. C'est aussi dans ce budget la création d'une ligne de médiation, puisque nous en parlions. La place de la médiation était effectivement à la culture, la médiation culturelle, la médiation par la musique, pour favoriser la découverte, l'ouverture, la curiosité d'esprit, pour apprendre à savoir s'écouter, pour apprendre à s'entendre, pour apprendre à vivre en harmonie. C'est aussi le soutien au festival pastoral qui est proposé par le collectif Surnatural en association, justement en partenariat avec l'association Sort de Terre, que nous soutiendrons et qui se déroulera à l'automne. Donc, bien sûr, je comprends les défis auxquels nous sommes confrontés et je sais que chaque décision budgétaire est un choix difficile, mais vous l'aurez compris. Chaque euro investi dans la culture est un investissement rentable, un investissement dans le bien-être des habitants et des habitantes et dans la vitalité de notre ville. Pour conclure, bien entendu, tout n'est pas parfait et nous souhaiterions toujours faire plus et faire mieux. Mais je peux vous assurer que l'engagement de notre majorité envers la culture demeure inébranlable. Je vous remercie donc de soutenir fermement ce budget dans lequel la part allouée à la culture est sanctuarisée et dans lequel, pour la troisième année consécutive, les subventions aux associations culturelles sont en augmentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Merlan. Jules Raguenaud. Merci, monsieur le maire. Oui, c'est toujours difficile de passer derrière Merlan, mais je vais me challenger. Voilà. Je voulais dire que c'est assez commun de dire que le service public, c'est le patrimoine de ceux qu'on n'a pas. On l'a déjà même entendu dans cette assemblée. Il me semble que c'est Mohamed Jenan qui avait dit ça. Et ben, je le salue au passage, il nous écoute. Mais depuis des années, on a des gouvernements de droite successifs en France qui n'ont cessé de déconstruire le plus de services publics. La question pour une ville comme Bagnolet, c'est de se demander comment, dans un contexte où les dotations de l'État ne suivent ni l'inflation, ni son désengagement, comment faire en sorte que les habitants soient le moins possible impactés par cette destruction organisée. À l'heure où il est bon ton, par pure démagogie, je dirais, d'expliquer que nous devrions réduire la masse salariale, personne ne se pose la question des conséquences sur les habitants. Parce que s'il faut réduire de 1% la masse salariale, pourquoi s'arrêter à 1? Pourquoi pas 3 ou 5 ou 7? Moi, je suis chaud, hein, on commence. Allez, on commence par quoi? Par le personnel du CMS? Alors que c'est de plus en plus dur de se soigner pour des populations précarisées? Les agents des espaces verts, on peut aussi s'en débarrasser. Alors où on essaye d'augmenter la végétalisation pour lutter contre les changements climatiques? Peut-être qu'on peut aussi supprimer du personnel dans les centres de quartier. Ça peut être sympa aussi. C'est toujours bien de créer moins de liens sociaux. On peut aussi assumer de supprimer des agents d'entretien. En effet, alors que oui, tout le monde a envie de vivre dans un espace sain, que des enfants puissent aller dans l'école sereinement. Bref, je constate que les gens qui préconisent ça, c'est plutôt de la pure démagogie parce qu'ils n'ont pas de réponse en réalité. Moi, j'irais même plus loin, j'irais même jusqu'à dire que moi, personnellement, et je pense qu'on est beaucoup autour ici, on assume même d'embaucher quand c'est nécessaire, afin d'éviter que ces services soient externalisés. Et à ce moment-là, on sait ce que ça fait l'externalisation, ça crée de la précarité, des postes plus précaires, et souvent dans des populations déjà très fragiles, et souvent des populations de femmes, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà, je voulais dire ça. Je voulais aussi dire que oui, on va encore emprunter, on va faire encore un emprunt, mais on rembourse plus qu'on emprunte. Genre, à un moment, même moi, je ne suis pas un génie, mais j'arrive à comprendre que si on rembourse plus qu'on emprunte, on réduit la dette tout de même. Enfin, bref. Bon, et je voulais dire, et ça, c'est un petit truc que j'ai écrit personnellement à la fin. N'oublions pas que nous, tous ici, tous, autant élus locaux et locales que nous sommes, On existe dans une société qui va continuer à broyer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens en France. Et c'est pour ça que je tenais à dire ma fierté, en tant que militant de gauche, de voter ce budget qui va faire en sorte de rendre meilleur, autant qu'une collectivité locale le peut, la vie des Bagnoletaises et des Bagnoletais. Merci. D'autres interventions, Solène Le Bourris. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais parler de la dotation qui devra être attribuée à Saint-Benoît de l'Europe d'un montant de 215 690 euros. Si je peux me permettre, est-ce que c'est le moment où on peut en parler? Enfin, voilà. En fait, il ne s'agit pas de pointer du doigt les parents qui scolarisent leurs enfants dans les écoles privées, mais de pointer du doigt, en fait, les raisons qui les poussent à les scolariser dans les écoles privées. Je vais les énumérer, manque d'enseignants, enseignants non remplacés. Je vais le redire, mais aujourd'hui, on estime qu'un élève en Seine-Saint-Denis perd un an de scolarité de la petite section jusqu'à la terminale. C'est une inégalité majeure qui est dénoncée par 12 maires, dont je crois, monsieur le maire, vous faites partie, du département, qui enjoignent l'État, dans un arrêté commun, à mettre en place un plan d'urgence pour lequel parents et enseignants se mobilisent depuis 6 semaines. En d'autres termes, l'État provoque un exode du public vers le privé. Depuis 2009, la loi Carle impose aux collectivités territoriales de financer l'école privée. En gros, l'État a baissé drastiquement les dotations aux collectivités et leur impose en même temps une dépense supplémentaire. Alors, cette loi peut nous satisfaire. Donc, vous diriez tous, oui, c'est la loi, on n'a pas le choix. C'est vrai. Mais en même temps, on n'est pas obligé de tous voter cette... On peut soit laisser le préfet prendre la décision, de toute façon, parce qu'il s'agit quand même d'un montant de 215 000 euros, et ce n'est pas rien. Avec cette somme, on pourrait faire énormément de choses dans cette ville, où on pourrait très bien, on est 39 conseillers municipaux, on pourrait exceptionnellement faire du 20 contre 19. Elle pourrait passer, mais au moins on pourrait, ça irait dans le sens de ce qui a été dit, par exemple, par Édouard Desnoël, ensuite par Jean-Claude Oliva, ça aurait du sens avec ce que vous faites, monsieur le maire. Je pense qu'on ne peut pas laisser ça. On peut pas. Moi, ça me pose problème, en fait, cette dotation, de faire comme si de rien n'était. Surtout qu'en ce moment, parents et enseignants se mobilisent pour un plan d'urgence en Seine-Saint-Denis. Donc, d'autant plus qu'un récent rapport parlementaire sur le financement de l'école privée relève l'opacité, le non-respect d'obligations légales et le manquement aux valeurs républicaines. La Cour des comptes a dénoncé en juin 2023 que l'école privée sous contrat comme étant un haut lieu de la ségrégation sociale et scolaire et de contournement de la carte scolaire au détriment du public. C'est un véritable scandale. Je vous remercie. Si peut-être peux-tu présenter ton amendement ? Donc, je vais également présenter notre amendement sur la délibération relative à l'adoption du budget. Donc, du coup, ça va être inclus, mais ça va être un petit souci par rapport à... En fait, j'en avais parlé à la commission des subventions des associations concernant la bourse du travail où il était attribué un montant de 40 000, ce qui n'était pas assez au vu des longues luttes sociales qui ont déjà eu lieu, mais qui restent à venir. Et quand on voit aussi que la bourse du travail dans les villes de droite est ferme les unes après les autres. Donc, effectivement, nous sommes dans une ville de gauche et nous tenons justement à cette représentation syndicale. Donc, en cette période de conflits sociaux, la bourse du travail doit rester un symbole fort. En 2023, les syndicats ont eu un rôle majeur contre les lois antisociales que nous avons, nous, force de gauche, soutenues depuis le départ. C'est pourquoi il est nécessaire d'augmenter sa subvention afin de lui permettre d'exercer son rôle d'accompagnement des travailleurs lors des luttes et aussi juridiques. Une nouvelle organisation syndicale a rejoint la Bourse du Travail et une employée à mi-temps a été recrutée. De plus, le matériel de reprographie est vieux. Son entretien coûte cher, l'achat d'un nouveau est nécessaire. Pour toutes ces raisons, il est attribué une somme de 60 000 euros à la Bourse du Travail Le conseil municipal propose donc l'inscription de 20 000 euros supplémentaires au chapitre 65, qui devient donc 20 048 815 euros au lieu de 20 028 815 euros. Pour conserver l'équilibre de la section de fonctionnement, la subvention attribuée à la Bourse du Travail sera équilibrée par une réduction de 20 000 euros au chapitre 11. Merci des interventions. Émilie Trigo. Juste un mot sur deux mots, Solène. Sur la première partie, je partage ce que tu dis. Je m'engage pas plus puisque tu sais qu'on est tenu et bon voilà. Sur la deuxième partie, en début de conseil municipal, nous avons apporté notre soutien à Kamel Brahmi. Il nous semble assez logique de concrétiser ce soutien symbolique par un soutien plus concret en faveur de la Bourse du Travail et de ce que tu as dit, hein, de son action auprès des organisations syndicales, des travailleuses et travailleurs qui luttent quotidiennement contre des lois antisociales et aujourd'hui contre des réformes qui condamnent l'avenir de nos enfants. Bref, je n'ai pas besoin de m'étendre, tu l'auras compris. Pour ce qui est de notre groupe, nous voterons en faveur de cet amendement. Edouard Noël. Sur la bourse, après consultation d'élus de notre groupe, te dire clairement que la réduction qui avait eu lieu par le passé s'est faite dans un contexte particulier où le maire et un certain nombre d'élus avaient été saisis par une ancienne employée qui avait des difficultés profonde à la bourse, qui posait des questions sur la gestion quotidienne. Si ces choses-là se sont réglées, si des engagements de transparence sont pris, il n'y a pas de difficulté à suivre ce vote-là. On est toutes et tous autour de la table attachés à ces luttes. Et inutile de rappeler les appartenances syndicales d'un certain nombre autour de la table, donc ça semble encore plus raisonnable. Cela dit, il est vrai que les éléments de saisine qu'on avait reçus étaient particulièrement salés, donc j'imagine qu'il faut trouver un moyen qui a un engagement, des éléments de transparence, quelque chose qui puisse refonder les choses au mieux. D'autres interventions ? Jean-Claude. Oui, merci. Juste pour dire qu'on est également favorable à cet amendement. Autres interventions sur le budget primitif ? Pas d'autres interventions. Donc, je vais soumettre d'abord aux voix l'amendement que vient de présenter Solène Le Bouris pour EPB, qui est pour approuver cet amendement, qui est contre, qui s'abstient. Donc l'amendement est approuvé. Maintenant, je vais vous proposer d'approuver le chapitre 65 qui correspond aux subventions versées aux associations et qui intègre donc cette subvention supplémentaire de 20 000 euros qui sera prise, qui sera compensée sur le chapitre 11. Donc, qui est pour approuver le chapitre correspondant aux subventions aux associations et j'invite les élus concernés à se déporter. Et qui ont des responsabilités dans une association de direction, de permanent. C'est bon, tout le monde est sorti. Donc je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc on va demander à nos collègues de rentrer à présent. Et on va se prononcer sur le budget global, à l'exception de ce chapitre, sur le budget de la ville de Bagnolet pour l'exercice 2024. Donc on fait rentrer les collègues, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, qui est pour approuver le budget 2024 de la ville de Bagnolet ? Je vais demander de bien garder les mains levées, ça facilite le travail de l'administration. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous propose de passer à la délibération suivante, qui concerne une délibération classique à ce stade de l'année, le rapport d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France pour 2023. Est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération ? Juste peut-être préciser un élément que j'ai oublié de mentionner dans le cadre du budget, c'est que effectivement, on fait un certain nombre de démarches concernant les recherches de subventions, on fait des efforts particuliers, par exemple sur la cuisine centrale, où on a rencontré de grosses difficultés ces derniers mois avec du vol de matériel, du vol de denrées, etc. Mais nous avons d'ores et déjà obtenu une subvention de 80 000 euros dans le cadre de la DECIL. Et la préfecture de Seine-Saint-Denis a rendu un avis favorable à nos demandes de subvention auprès de la région Île-de-France. Donc il faut attendre la décision du préfet de région concernant, dans le cadre du fonds vert, concernant l'aménagement du square Varlin, concernant la cour Oasis à Ferry et concernant l'éclairage public. Précision que je voulais vous donner à ce stade de la discussion, subventions qui, bien entendu, ne sont pas intégrées à ce stade au budget primitif. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'utilisation du FSRIF ? Pas de remarques, je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, adhésion au groupement de commandes du CIGEF pour l'achat de gaz. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques, qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Adhésion de la commune d'Auvers-sur-Oise au CIFUREP. Brahim Akro. Ton micro. Depuis 1905, le syndicat intercommunal de la région parisienne, CIFUREP, a pour mission d'organiser, de gérer et de contrôler le service public funéraire sur le territoire de l'Île-de-France. Lors de son dernier comité, le syndicat a décidé à l'unanimité la restitution de la compétence de la ville de Villetaneuse et en parallèle, elle a octroyé l'adhésion de la ville d'Auvers-sur-Oise. Concrètement, le syndicat, dans les statuts du syndicat du CIFUREP, il est mentionné que tout mouvement dans le cadre de ce syndicat doit être présenté au conseil municipal. Alors, c'est des choses qui nous sont lointaines, mais on est obligé de le faire. Donc, en l'occurrence, Villetaneuse doit sortir pour des raisons qui sont marquées sur la feuille, et Auvers-sur-Oise qui demande son adhésion. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus ? Pas de remarques. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Restitution de la compétence cimetière et révision statutaire. Brahim Akro. Pour qui ? Ah. Je les ai mis, je les ai regroupés. Ok. Les deux les Villetaneuse et Auvers-sur-Oise. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante, fermeture définitive du marché à la ferraille. Jules Ragonneau. Sujet dont nous avons déjà parlé ici. Oui, voilà, ça a déjà été évoqué plusieurs fois, ça a déjà été évoqué aussi en commission municipale. Voilà, c'est donc la fin. Il y a eu on accorde une période de 3 mois supplémentaires par rapport à ce qui était prévu initialement, afin de laisser les stocks se vider. Rien à dire, si ce n'est que déjà une grande partie des commerçants sont déjà partis vers d'autres horizons. Voilà, si vous avez des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, Monsieur Stalens ? Oui, bonsoir à tous. Je suis intervenu effectivement rapidement, moi aussi, lors du précédent conseil où cette délibération avait été proposée. Et vous l'aviez associée à l'époque avec la fermeture aussi du marché commerçant du jeudi dans le centre-ville de Bagnolet. Donc ce sont deux renoncements. Et quand aujourd'hui on parle de budget, on parle de dépenses, on parle d'arbitrage, si on met en perspective ce qui a pu coûter, ce que va coûter encore le changement du logo. 18 000 euros. Il y a toute la conséquence, toutes les conséquences. Non, 18 000 euros, non. Toutes les conséquences. Les véhicules de la ville sont équipés de logos, de l'ancien logo. Mais non, on va devoir les refaire. Enfin, très bien. Donc, c'est 18 000 euros. Ça s'arrêtera là. J'y crois pas une seconde, mais c'est pas très grave. En tout cas, voilà, ce sont des arbitrages. Je préférerais qu'on privilégie l'accompagnement des commerçants qui se sont installés à Bagnolet depuis des semaines et des mois pour essayer de développer une activité qu'on a lâchement abandonnée et une population extrêmement défavorisée qui bénéficie en tant que client, mais aussi en tant que vendeur du marché à la ferraille qu'on est en train de supprimer. Voilà. Donc je pense que ce sont pour moi, en tout cas, des renoncements. Et quand on parle d'arbitrage comme aujourd'hui, ce sont des arbitrages que nous aurions pu mener différemment. Je vous remercie. Alors, sur le logo, tout ce qui relève de la conception, etc., a coûté 18 000 euros. Donc, en fait, ce que vous ne voulez pas comprendre, en fait, c'est qu'on ne modifie pas les logos des véhicules actuels de la ville. Mais effectivement, lorsqu'on va avoir de nouveaux véhicules, ils seront avec le nouveau logo. Donc, la dépense, contrairement à ce que certains imbéciles ont pu écrire sur les réseaux sociaux, n'est pas de 100 000 euros, mais de 18 160 euros, précisément. Voyez, et en fait, effectivement, on aurait dépensé plus si on avait dit on change tous les véhicules. Effectivement, ce que vous dites aurait pu s'entendre, mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Quelle était l'urgence de changer ce logo? Il était à l'image de la ville, il n'était pas ni vieillot. D'ailleurs, je souligne... On ne va pas refaire le débat, mais oui, mais vous a échappé quelques épisodes. En fait, on l'a mis en discussion avec les référents des conseils de quartier. Ce sont les référents des conseils de quartier qui ont choisi le nouveau logo. C'est pas une option, mais elle vous appartient et vous la financez. Absolument. C'est parfait. Sur le marché à la ferraille, en fait, je pense, à mon sens, que ça fait très longtemps que vous n'êtes pas descendu au marché à la ferraille, ça fait très longtemps que vous n'étiez pas allé à Bajoplage. Mais pourquoi vous me parlez de Bajoplage et pourquoi vous me parlez tout court de ce que je fais, de ce que je ne fais pas? Parlons politique, monsieur le maire, parlons décision. Parlons du marché à la ferraille. Au cours d'un précédent conseil municipal, vous m'avez expliqué que... Ne me parlez pas de moi, parlez-moi du marché à la ferraille et des gens qui vont perdre cette activité. Au cours de l'un des précédents conseils municipaux, vous m'avez expliqué que Bajoplage n'avait pas eu lieu en 2023. J'ai pas dit ça, qui a dit donc, ça? Bah, vous avez dit ça à un précédent conseil. Que le bassin n'avait pas occupé l'intégralité de la période de Bajoplage. Et là, je me permets de vous dire, sur le marché à la ferraille, vous avez une méconnaissance profonde de ce qui est devenu le marché à la ferraille. Donc, effectivement, on a fait le choix de le supprimer. On a accordé un délai supplémentaire sur proposition de nos collègues de Bagnolet en commun, en l'occurrence de M. Gavin, comme quoi on s'est écouté, puisqu'on a atterri sur un délai de 3 mois supplémentaire, que nous a proposé Jules Raguenau. Et comme on est quand même attaché à l'attractivité, et que peut-être, si vous étiez dans cette ville, vous vous souvenez qu'il y a très longtemps, il y a eu un marché dans le quartier des Coutures. Donc, on a mandaté l'administration et les élus en charge du secteur pour travailler à l'implantation d'un marché dans le quartier des Coutures. Voilà. Donc, c'est ce sur quoi on travaille dans le cadre du budget 2024. Voilà, mais sans doute ne pouviez-vous pas le savoir, mais voilà, ça c'est la réalité. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je propose de passer aux voix. Qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération suivante, convention de transfert de gestion d'une partie du foncier du stade des Malassis pour la reconstruction de la piscine des Malassis. Cédric Pape. Merci, monsieur le maire. Juste avant de présenter cette délibération, je remercie monsieur le maire de me faire cette primeur, parce que nous avons reçu ce jour une bonne nouvelle et monsieur le maire aurait pu l'exposer en propos liminaire du conseil municipal. Et c'est moi qui m'en charge, merci. Mais on a reçu, et ça c'est pour l'information du conseil municipal, un accord de principe de la part du préfet de région pour lancer le PPA de façon officielle pour la transformation de la porte de Bagnolet. Donc c'est une information qui date de ce jour. Et donc, ce sujet-là devrait être porté au Conseil métropolitain de juin. Donc c'est une sacrée avancée, notamment pour ceux qui ont écrit dans leur tract que c'était une supercherie. Ben, vous voyez, le préfet de région nous accompagne dans ce projet-là. Voilà, c'était la parenthèse. Pour revenir à la délibération, donc elle est essentiellement technique. Mona Belli l'a déjà présenté les grandes lignes tout à l'heure. Il s'agit en fait de transférer la gestion d'une partie du foncier du stade des Malassis pour permettre notamment la reconstruction de la piscine des Malassis. Alors évidemment, ça ne concerne pas que la piscine, mais ce sujet-là est centré sur la piscine parce qu'il s'agit d'un équipement intercommunal. En même temps, sera construit une salle de sport de contact On peut se dire que la dette, effectivement, l'emprunt sert à cela, pour reboucler par rapport à nos conversations de tout à l'heure. Et puis, pour ceux qui sont attachés au quartier des Malassis, avec la transformation de la dalle de Torres, qui est recherchée par, je pense, tous les habitants des Malassis depuis de nombreuses années, à force d'en parler, nous allons passer à l'opérationnel, puisque le calendrier, je vais vous le donner. Les premiers travaux, en fait, du stade des Malassis débutera cet été. Donc, les premières pierres vont être déposées, si je peux m'exprimer ainsi, dès cet été. Et la transformation du quartier des Malassis se commencera dès cet été. Je rappelle aussi, puisqu'on avait tout un long débat sur le budget, qu'il s'agit là aussi d'une subvention de 22 millions d'euros TTC, en partie subventionnée, d'un budget de 22 millions d'euros TTC, en partie subventionné par l'ANRU. Ce qui souligne le travail de qualité, je trouve, des agents communaux et territoriaux sur ce sujet-là, parce que ces deux sujets-là, notamment la dalle Torres, qui va être complètement détruite, et la dalle de Lannou, est extrêmement bien suivie, et je profite de ce moment-là pour les féliciter de leur travail. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Pas de remarques, je propose de passer aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Je remercie. Délibération suivante. Avenant de prolongation à la convention d'application du plan de sauvegarde bâtiment 4 à Lannou, et ce sera la même chose pour le bâtiment 5 à Lannou. Édouard de Noël. Oui, bonsoir. C'est un travail de longue haleine qui a besoin d'être prolongé, soit pour la prolongation des travaux, soit pour l'amélioration de la gestion, et notamment le travail avec les syndics. Donc ce sont des délibérations uniquement de prolongation. Que vous avez des remarques sur la première délib, donc c'est le bâtiment 4. Pas de remarques, je propose de passer aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Pour le bâtiment 5, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Dernière délibération, tarif taxe de séjour 25. Mariem. Oui, bonsoir monsieur le maire et bonsoir à tous. Là, ça concerne l'augmentation de la taxe de séjour. Alors, elle est du même montant que celle qu'on avait délibérée au mois de décembre. Alors, c'est toujours un arrondi. Nous sommes déjà basés sur les plafonds de la loi de finances. Alors, nous sommes montés au maximum. Et nous souhaitons que déjà le Conseil accepte de retirer l'ancienne délibération et accepter cette nouvelle qui est au même montant et qui sera applicable à partir de 2025. Merci Marianne. S'il y a des remarques ? Pas de remarques, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. L'ordre du jour est épuisé. La séance est levée. Je vous remercie. Monsieur le maire.